Bon, par contre, je veux bien qu'on me donne du fil. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue donc à Debout Éducation Populaire pour l'atelier Quelle société veut-on ? Vous pouvez, je vous invite à vous asseoir sur les sièges improvisés. Ouais, il y a deux chaises aussi si vous voulez. Voilà. Mais ça, faut les. Un banc, non? Oui, ça va s'écraser. Ça va s'écraser. Attends, on va le mettre derrière si jamais. Donc, l'atelier va commencer. Si ceux qui veulent participer veulent bien être. Veulent bien nous rejoindre. Et sinon, vous pouvez finir votre conversation, pas de problème. Donc, nous étions. Alors, on avait commencé la semaine dernière sur le. Je m'asseoir, je suis désolé. Je sais pas si ça va. Hein. nous avons commencé la semaine dernière donc, sur le point la gestion des richesses et des biens communs. Et on avait évoqué qu'un point. Parce que, ou presque deux, mais plutôt un. Parce que c'était déjà assez chargé. Je vais vous relire en fait déjà ce qui avait été dit aux premiers ateliers en fait aux deux premiers ateliers là c'était les idées les propositions énoncées donc aux premiers ateliers pour la gestion des richesses et biens communs mais dans le général quoi et donc pour qu'on les reprenne ces points un par un donc il y avait le partage des richesses au service du peuple argent énergie nourriture eau. Donc c'est ce point qu'on a parlé la semaine dernière et on a passé 2 heures là-dessus. Donc on n'a pas réussi à aller sur l'autre point. Quelqu'un va lire le CR ensuite pour vous dire justement ce qu'on a dit la semaine dernière. Le compte-rendu. Et donc sinon les autres points, il y avait socialiser ou étatiser le monde bancaire, rendre aux citoyens le pouvoir de création monétaire, supprimer les taxes commerciales et les impôts grâce à la Banque nationale. Interdire les paradis fiscaux, empêcher la financiarisation des biens communs, rendre les services publics non privatisables par nature, fiscalité écologique. Ensuite, remise en question des mythes de l'économie néoclassique vers une économie post-capitaliste à inventer, rejet du principe de croissance vers un principe de mieux vivre ensemble, et enfin, une société sans salaire, une société sans argent, les deux avec des points d'interrogation. Je vais laisser Camille lire le compte rendu. C'est assez. Il y a 2-3 pages, puisqu'on a beaucoup parlé du partage la semaine dernière. Alors, donc, je vais lire ce qui a été dit la semaine dernière. Ça a commencé par la question qu'est-ce qu'une richesse ? Donc, sur le choix des richesses, on exploite des choses que l'on ne devrait pas exploiter, comme les énergies fossiles, mais aussi les végétaux, les animaux. Il y a des ressources dont on peut se passer par rapport à nos besoins et d'autres par rapport auxquelles on peut se limiter au regard de leur impact sur l'environnement et notre santé. Partager les communs au-delà des richesses premières, argent, logement, culture, éducation, santé, transport. La rue, les magasins, les produits échangés sont des biens communs, les mots eux-mêmes et les connaissances échangées. Du coup, qu'est-ce qui n'est pas un bien commun et doit rester du côté de la propriété ? Enfin, c'est une question qui a été posée. Les corps humains ou tout corps vivant, animaux, végétaux, à partir du moment où on est en rapport avec un autre corps que le sien, on ne peut en être propriétaire. Alors, un autre point qui a été abordé, c'est qu'il existe aux États-Unis un système qui donne les moyens aux personnes d'avoir accès aux ressources premières. De même, Auguste Legrand a fondé le collectif Toi en France, en faire un nous. Le capitalisme devait permettre à sa base une répartition des richesses. Le problème est d'y avoir ajouté le profit et de ne plus penser la redistribution. Et quand on pense au problème de la redistribution, on pense aussi au fait que ça comprend un contrôle des richesses par un petit nombre avant sa distribution. Et dans la société idéale imaginée, il n'y a pas besoin de redistribution puisque les richesses sont partagées au niveau de l'accès aux ressources primaires et de l'accès aux moyens de production. Mais comment faire ? Un autre point a été abordé, c'est sur le fait sur les impôts. Donc payer ses impôts, les transports et les services pour faire fonctionner les communs. Mais l'idée, c'est justement de rester sur cet objectif de faire fonctionner les communs et de ne pas forcément faire des bénéfices pour des actionnaires. Les impôts ne fonctionnent pas parce que ça reste géré par un petit nombre qui peut frauder. Voilà, donc ça, c'est le problème des impôts aujourd'hui. Après, il y a eu un autre point abordé concernant le bâtiment. Dans le bâtiment, on respecte le matériel sur lequel on va travailler. On peut construire soi-même ses quartiers d'habitation. Avec les machines, le travail est moins physique qu'avant. Pourtant, les arrêts de travail explosent en France. Il y a un effet de l'alimentation aussi qui donne une santé plus fragile. Il y a moins de conditions physiques et d'exercice et une grosse pression psychologique. D'autre part, il y a l'idée qu'on perd de la formation dans le sens de transmission des expertises professionnelles qui sont de plus en plus gérées par des systèmes complexes et mécaniques qui font que l'on n'a plus la main sur les moyens de production. Donc l'idée, ça serait de stopper la logique de productivité quantitative qui n'est pas forcément utile. D'autre part, pour éviter la perte de connaissances au niveau de l'entreprise, l'idée c'était de tout faire pour pérenniser l'investissement et la rémunération correcte des salariés. Autre point abordé, c'est ne pas confondre le fonctionnement des grandes entreprises type CAC 40 et les PME, et TPE du coup. Donc les PME, les petites et moyennes entreprises, et les TPE, les très petites entreprises. Le salarié n'y a pas la même place et fait entièrement partie du fonctionnement général. Mais le système patronal, même bienveillant, repose sur un rapport patriarcal et hiérarchique. Comment peut-on sortir du système, patron-salarié, qui est un système assez vertical? Autre point abordé sur l'actionnariat. Donc le système de l'actionnariat peut être repris par les salariés comme gestion de moyens de production en commun. Avec l'idée que chaque salarié soit propriétaire d'une partie de son entreprise en plus de sa force de travail. Comme dans les SCOP ou les coopératives. Il n'y a pas que l'entreprise salariée, mais aussi les clients qui font la richesse avec la relation humaine. De plus en plus, ce n'est plus le PDG qui dirige les entreprises, mais les salariés qui ont une expertise en fonction de leurs compétences acquises sur le terrain. Après, il y a eu une référence à un ouvrage, Le genre vernaculaire de Ivan Illich, qui a été publié en 83, sur l'idée que les biens communs étaient divisés en parties et répartis au tirage au sort chaque année. Chacun faisait ses propres outils et travaillait sur ce qui lui était attribué, avec l'idée que tout ce qui existe contribue au commun. Autre point abordé, c'est de distinguer le marché primaire, donc les entreprises qui s'ouvrent et ont besoin de financement, sur lequel il ne devrait pas y avoir de taxes, et le marché secondaire, donc où il y a des titres déjà émis sur lesquels on ne fait que spéculer. Aussi, on a abordé l'idée de création de travail pour faire vivre un projet, et non pas uniquement pour gagner de l'argent, avec l'idée de deux options de création de travail dans la société idéale, soit un besoin commun auquel il faut répondre, soit la proposition de créer une nouvelle chose à partir d'une idée. Dans les deux cas, on crée des groupes de travail théoriques et pratiques avec les volontaires qui veulent travailler dessus sans rapport hiérarchique les uns envers les autres. L'investissement sert à financer des projets, cela doit viser un but commun. Ce qui est important, c'est le choix des projets, tout comme les orientations scientifiques. Tout projet global et local doit être décidé démocratiquement. Et avec, du coup, en conséquence, le travail des syndicats qui serait plus ou moins nécessaire. Et avec l'idée de trouver un autre terme que travail, dans son étymologie tripalium, qui est un instrument de torture. Donc quel mot, donc il y avait l'idée de construire, produire. Donc inventer un autre mot pour définir cette activité par groupe. Après, on a été abordé un point sur l'Afrique, où les gouvernements sont asservis à la finance internationale. Avant, il existait une gestion communautaire des richesses et une liberté des idées. Une solidarité sans exclusion et pas de pauvreté, moins de pauvreté. Donc penser la gestion des ressources au niveau international est nécessaire pour ne pas empiéter les uns sur les autres. Pour vivre comme on vit, il faudrait 6 planètes, parce qu'on vit à crédit, et il faudrait faire comprendre aux personnes qu'on ne veut plus de la croissance, et donc il faudrait bloquer la bourse. C'est la limite écologique qui va pousser les gens à réagir, parce que cela remet en cause la survie de l'espèce et de nos progénitures à moyen terme et à long terme. Quand on parle de commun, d'autre part, on oublie la notion de territoire et du coup l'inégalité des territoires. Donc il faudrait commencer par donner un capital de départ et laisser les personnes gérer ce qui leur est donné à long terme. Peut-être par tirage au sort, favoriser les échanges entre les territoires et pas de communauté fermée. avec le, ce qui a été évoqué, le la danger du mot communauté qui se base sur des différences isolées et l'idée d'inclusion et d'exclusion. Donc, avec cette idée de territoire, il y avait l'idée de délimiter des lieux et penser sans le système de don contre don, savoir qui sait faire quoi pour développer des espaces de collaboration et de transmission des pratiques, connaissances, locaux et ouverts avec des formations réciproques. Après a été évoqué les cigales, c'est des personnes d'un quartier qui donnent de l'argent à celui qui veut créer quelque chose dans ce quartier, avec l'idée d'une co-gestion par territoire. Et pour la santé, il faudrait aussi penser à une répartition équitable au niveau des territoires, avec l'idée de partage des savoirs au niveau de la santé et l'entraide pour l'accès aux soins et aux médicaments. Ensuite a été abordé le concept d'intérêt, avec l'idée qu'il faudrait qu'il disparaisse, enfin le concept d'intérêt, de profit et de brevet qui sont sous le joug de la propriété. Il faudrait que tout reste public et accessible à toutes, et que ce soit partageable. Il faudrait revoir aussi la notion de prestige et de luxe, qui favorise la consommation inutile de ressources au nom d'une chose à montrer. Aller du côté de l'esthétique et de l'éthique par rapport aux besoins, et penser gestion plurielle et pas individuelle des ressources. Après, c'est poser la question de qu'est-ce qu'on ferait sans institutions, qu'est-ce qu'on ferait des institutions, pardon, telles que la sécurité sociale. En Finlande, par exemple, les personnes ont construit dans leur CA leur propre sécurité sociale et médecine du travail. Point pour finir qui a été abordé, c'est par rapport au contrôle de l'énergie comme bien commun qui a été perdu et des ressources primaires comme l'eau, etc., avec la pollution des territoires. Plutôt que de moins polluer, on repollue pour limiter les effets de la pollution. Donc l'idéal, ça serait de laisser un peu plus la nature se recycler elle-même en étant le plus discret possible, avoir le moins d'impact sur la nature. Le biomimétisme en développement pour reproduire la façon dont la nature fonctionne, notamment en produisant le moins de déchets possible. Le risque est encore de vouloir la transformer, donc de transformer la nature à notre compte, à moins que ça ne se limite aux communautés humaines, gestion du corps humain et du corps économique et social. Et pour finir, l'idée d'interdire les paradis fiscaux, empêcher la financiarisation des biens communs, rendre les services publics non privatisables par nature et une fiscalité écologique dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, c'est pour ce qui a été dit, résumé de ce qui a été dit la semaine dernière, pour démarrer la discussion. Donc merci beaucoup. Et oui, en fait, le dernier point, c'est un des points généraux qu'on va encore aborder, du coup. Du coup, je rappelle quand même le principe en fait de l'atelier, ce que je l'ai pas fait au début. Donc, on réfléchit à une société idéale. Donc ici, on s'est autorisé à pas avoir peur d'avoir des idées, propositions utopiques en fait. Donc voilà, c'est vraiment pourquoi on est en fait. C'est pas contre quoi. C'est plutôt, enfin, on essaye, je pense, je sais pas. chercher pourquoi on est, et du coup donc pas avoir peur de faire des propositions inattendues. Du coup on va passer au deuxième point, je pense. On va pas retourner sur le premier parce que voilà, vous voyez que c'était chargé. Ensuite c'était socialiser ou étatiser le monde bancaire, rendre aux citoyens le pouvoir de création monétaire, supprimer les taxes commerciales et les impôts grâce à la Banque nationale. Donc, si vous voulez prendre la parole sur ce sujet, n'hésitez pas. Je sais que Sylvain a déjà levé la main. Et on va en débattre. Nickel, j'ai déjà deux tours de parole, donc voilà. Oui, donc sur ce point-là, effectivement, alors il y en a qui disent la sociabilisation des banques et d'autres qui disent la nationalisation des banques. En fait, ça veut dire à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'à l'époque, entre guillemets, je vais peut-être pas remonter au temps où l'argent n'existait pas, mais en tout cas, et à un moment donné, il a fallu trouver un moyen de mettre en forme ce qu'on appelle aujourd'hui l'argent. Du coup, on a fait des billets, on a fait des pièces. Et au fur et à mesure, en fait, on a créé tout simplement des banques. Les banques, ça servait à déposer son argent et éventuellement à ce qu'on vous en prête pour différents investissements, pour des projets, pour des créations effectivement d'entreprises, etc. Et en fait, au fur et à mesure, et ça je l'ai déjà expliqué, ce principe qui était tout bête et qui pouvait, entre guillemets, se... se comprendre a été complètement détourné de son but. Je vais revenir au Conseil national de la résistance. Je fais un grand pas dans l'histoire. Mais, oula, je suis attaqué par la pluie. Du coup, au Conseil national de la résistance, en fait, ce qu'ont fait les gens qui ont préparé le programme, donc qui était censé faire De Gaulle quand la France était libre, était libérée, il a nationalisé les grandes banques françaises en fait. Donc il a fait de la déprivatisation entre guillemets. Et en fait ça a été détruit. Et bizarrement ça a été détruit sous des gouvernements dits de gauche, François Mitterrand notamment, et qui a privatisé les banques. Donc notamment on a beaucoup entendu parler du Crédit Lyonnais, puisque il y a eu des affaires après avec Monsieur Tapie. Et en fait on s'est aperçu, comme dans toutes les grosses entreprises, que l'argent en fait que déposaient les personnes, donc leur argent qui est déposé dans les banques, finalement il servait après, il était mis sur des marchés financiers et il servait à gagner encore plus d'argent. Donc je ne vais pas vous refaire la caricature de la bourse, etc. Je pense que tout le monde en tout cas connaît ce qui se passe. Et à ce moment-là, en fait, c'est là où on est parti complètement dans une déviance. C'est-à-dire que au lieu de redistribuer l'argent pour continuer à prêter aux gens pour qu'ils puissent acheter leur maison, faire leurs projets, etc. Du coup, on a joué et on a placé ça sur des choses qui étaient plus ou moins fumeuses. On a eu la crise des subprimes aux États-Unis. Il y a un dessin qui explique très bien, en fait, la crise des subprimes, c'est comme si vous prêtez de l'argent à un ivrogne dans un bar. Et vous lui dites, écoute, l'ivrogne, il va vous dire, je vais vous rembourser. Mais en fait, l'ivrogne, il vous rembourse jamais, parce qu'il n'a pas de sous, malheureusement. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Et on a prêté de l'argent à des gens qui à des taux qui étaient variables. Et on s'est retrouvé dans des situations avec des saisies, etc., etc. Donc, en fait, il y avait un but à l'époque dans un établissement bancaire. Ce but a été complètement détourné par le capitalisme. Et aujourd'hui, on en arrive dans les dérives qu'on a connues. Donc, il faut, pour empêcher ces dérives-là, il faut tout simplement reprendre le contrôle des banques. Et comme je dis souvent, en fait, on l'oublie, mais c'est notre argent qui est dedans. Et il ne faudrait pas, en fait, à payer des services ou des choses dont on n'en a pas besoin pour mettre son argent dans des banques. C'est un principe. Donc ça serait en fait une gestion par les citoyens, une gestion directe. On enlève toute notion de profit, on enlève tout ce qui est marché financier, bourse et les trucs là, en 30 secondes vous gagnez je sais pas combien. On arrête de marchander sur des matières premières, puisqu'aujourd'hui c'est ce qu'on fait. On marchande sur du blé, sur de l'eau, voilà. Donc ça, c'est, il faut arrêter toutes ces conneries et il faut revenir à des choses beaucoup plus saines. J'ai des exemples, des exemples qui sont connus, mais le microcrédit en Inde qui marche plutôt bien. On a la nef en France, on nous parle souvent de la nef, même si elle est encore un peu dans les taux du système actuel. Mais voilà, donc après, moi, c'est de toute façon, ma position elle est radicale et c'est ce que je défends en y travaillant, entre guillemets, c'est qu'il faut qu'on revienne au principe de base. Alors après, dans la société idéale, la grande question, c'est est-ce qu'on a besoin encore de l'argent ? Mais ça, c'est une grande question, donc j'en sais rien. Mais en tout cas, si on en a besoin, il faut reprendre le contrôle des banques. Voilà. C'est le dernier point, une société sans argent, point d'interrogation. Donc on verra ça peut-être la semaine prochaine. Camille, elle est occupée, donc je vais te passer la... Tu veux la parole ou tu finis Oui. Moi j'avais juste une question, c'était une question toute bête, c'est par rapport au fait que sur les propositions qu'il n'y ait plus d'impôts. Du coup, s'il n'y a plus d'impôts, comment on finance tous les services publics? Bonne question. Alors, quelqu'un qui a la réponse? Je passe au monsieur et après je te passe la parole. Merci. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ces longues listes des problèmes réels, mais qui se sont vérifiés dans l'histoire depuis la nuit des temps, on peut dire. Et se battre pour éliminer l'argent, se battre pour la finance, contre la finance, etc. Je crois qu'on ne s'en sortira pas, puisque il y a eu des banqueroutes à la sortie du Moyen-Âge et à la Renaissance. Les rois, ils ont fait des dettes énormes qu'ils n'arrivaient pas à rembourser, et ça fait des crises qui ont donné la Révolution. Tout ça, c'est presque automatique. Maintenant, renoncer à l'argent, pourquoi pas, mais je ne vois pas vraiment une solution. Je crois que la solution est plutôt la capacité de ne pas se laisser dominer par tous ces problèmes. C'est-à-dire reprendre les choses en main et sortir du mécanisme droite et gauche pour pouvoir imposer un savoir critique qui permet à tout le monde de ne pas se laisser faire. Parce que tout doucement, on tombe toujours sous le jeu et sous le joug de l'argent, de la finance et tout le reste. C'est normal qu'à un certain moment, autrement il faut annuler aussi la propriété, il faut annuler plein de choses. Et Proudhon, qui a bien étudié tout ça, il a dit non à l'intérêt, disons, c'est sûr, intérêt zéro, mais pour le reste, il y a des choses qu'il faut quand même prendre en compte. Parce que si on les élimine, elles seront passées pour des choses avec des noms différents, mais qui seront aussi pervers. Voilà. Il faudrait être beaucoup plus près de la capacité, de la réalité. Parce que, de toute façon, le travail est en train de disparaître et la subordination au pouvoir est toujours en train de grandir. Elle change de forme, mais le résultat est toujours le même. La dépendance qui croît chaque fois qu'on avance. Et on perd les savoirs, pas les savoirs tout court, mais les savoirs lire, les savoirs critiquer, les savoirs penser. Voilà. Et on est en train de vivre une période où les savoirs passés est en train de disparaître. La manipulation, et l'automatisme, toutes ces choses qui pourraient être neutres, sont guidés par le capital, par l'argent, mais avant d'essayer de se battre contre l'argent, battons-nous contre nous-mêmes pour être plus capables de mieux utiliser ce qui existe. Voilà. Plutôt qu'essayer de se battre contre des fantômes qui vont être remplacés par d'autres fantômes. Parce que tout est virtuel, toujours plus. Et cette virtualité, on la paye cher, parce qu'on a une perte de liberté. Voilà, bon, merci beaucoup de votre écoute. Sébastien, tu peux passer. Moi, je voulais répondre par rapport aux impôts, ce que disait la dame. Les impôts, c'est pas mauvais, c'est ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils payent avec qui est pas bon, c'est-à-dire la dette, enfin l'intérêt de la dette. Le Rafale, plein de trucs qu'on ne devrait pas payer. Alors après, moi, je pense que les impôts, c'est important, mais je pense que on devrait payer l'eau avec, on devrait payer l'électricité, les transports en commun, des choses qui pourraient permettre à tout le monde d'avoir moins de difficultés à vivre, parce que depuis l'euro, tout a augmenté de 6,5, sauf les salaires. Et on se demande pourquoi c'est compliqué en France. Donc, moi, globalement, j'ai quitté le système il y a 4 ans. Je vis sur la route dans les ZAD ou les lieux autonomes. Et je pense que tout ça, on peut le faire, mais on peut faire sans eux. Je parle de NDDL, ce que je connais bien. Il y a des gens qui font du fromage, des gens qui font des légumes, des gens qui font des métaux, on essaie de se réapproprier tout ce qu'on nous a volé, c'est-à-dire le savoir. Et donc du coup, l'histoire de la monnaie et de l'échange et du travail sur soi, parce que l'argent, c'est un problème aujourd'hui parce qu'ils en font quelque chose de mauvais. Les impôts aujourd'hui, c'est un problème parce qu'ils en font quelque chose de mauvais. Mais le dialogue ou le langage, c'est un truc de mauvais parce qu'ils en font, c'est un truc mauvais parce qu'ils en font quelque chose de mauvais. C'est à nous tous de pouvoir en faire quelque chose de bon. Et donc, moi, je pense que il y a, on est dans un, il y a un nouveau, il y a un nouveau, une nouvelle, comment dire, civilisation qui veut émerger, l'homo humanus. Et là, le système, il veut pas qu'il existe parce qu'il perdrait de l'argent, il perdrait des gens, il préfère qu'on soit exclu de la société comme à la rue, ou soit travailler et consommer. Donc voilà, je pense que il y a pas grand chose qui sont mauvaises, mais il y a beaucoup de choses qui sont mal faites. Voilà. Et du coup, pour l'école, L'école, en fait, il y a déjà une deuxième génération de zadistes, comme on dit, parce qu'il y a, peut-être une trentaine, une quarantaine d'enfants qui vivent là-bas, qu'il y a des écoles, des gens qui, il y a des profs, il y a de tout, en fait. Hein, sauf que au lieu de vouloir construire chez eux, on essaie de construire dans un endroit où eux ils voient peu d'intérêt, hein, un petit aéroport, c'est pas très important pour eux, mais quand on essaie de construire directement, c'est ça qui leur fait très peur. C'est pour ça qu'ils veulent arrêter Nedel, c'est pas réellement par rapport à l'aéroport, parce qu'ils pourraient le faire ailleurs, l'aéroport. C'est juste parce que nous on essaye de. Enfin, nous. Quand je dis nous, c'est tous les militants mélangés, parce que Notre-Dame-des-Landes, c'est des gens qui se battent contre l'exploitation animale, des gens qui se battent contre l'homophobie, des gens qui se battent contre le sexisme, des gens qui se battent pour juste l'humanité, pour la nature. Et donc, du coup, seul, on n'est pas très fort, mais unis, on l'est. Donc, moi, lundi, j'y retourne pour pouvoir grossir les rangs là-bas et faire en sorte que toutes ces questions qu'on se pose là aujourd'hui et demain, elles aient des réponses, parce que. Parce qu'on a réussi à résister. Et la non-violence et la violence, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, la résistance, je pense que c'est le début de chaque vie, quoi. Je vais prendre le micro. Mais non, moi, ça m'intéresse, parce que moi, je ne connais pas du tout l'organisation des ZAD, etc. J'ai un point de vue complètement extérieur. Et ça m'intéresserait de savoir comment ça se passe au niveau des échanges, justement, financiers entre vous. Comment vous organisez? Est-ce que vous pratiquez le troc? Ou est-ce que... Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que tu parlais de personnes qui produisaient certaines matières? Est-ce qu'il y a un échange entre ces personnes-là? Et comment vous organisez par rapport à ça? Enfin, je sais pas si... En fait, il y a tous les jeudis, il y a un non-marché. C'est tous les gens qui produisent des choses à la ZAD, ils se réunissent au carrefour de la Saulce. Le carrefour de la Saulce, c'est là où la police squattait quand ils nous ont enfermés pendant 6 mois. Pendant 6 mois, on a été toutes les accès étaient contrôlés par la police, toutes les voitures, les identités. Et du coup, symboliquement, quand ils sont partis, on a fait un non-marché, c'est-à-dire que tous les gens qui font du fromage, des légumes ou qui proposent n'importe quel service, ça fonctionne ou à prix libre ou en troc. Il y a du pain, tous les jours, il y a du pain disponible. Enfin, 2 fois par semaine, il y a du pain disponible. Je crois que c'est le jeudi et le samedi ou le dimanche, je ne sais plus. Et donc, du coup, on vit de troc ou de ou alors de on vit à prix libre. Après, il y a plein de choses qui sont données par des gens, parce que c'est ça l'avancée de la ZAD, c'est que tu as les gens qui peuvent vivre sur place et des gens qui peuvent pas vivre sur place mais qui peuvent aider. C'est-à-dire que quand on est arrivé là-bas, on n'avait rien. Du coup, les gens nous envoyaient des matelas, des tentes, des matériaux de construction. Et en fait, tu peux arriver à NDDL et puis filer ce que tu as. Il y en a qui sont filés des caravanes, des voitures. Donc du coup, après, c'est propriété d'usage, quoi. Si tu t'en sers et que tu peux aider la communauté, vas-y, fonce, quoi. Le truc, c'est, tu vois, tu as une AG, tu as une idée. S'il y a 10 personnes qui sont d'accord avec toi, ils la font. Il n'y a personne qui bloque le truc, tu vois, et puis après tu viens et tu dis, voilà, nous, Marco et moi, on a fait ça, si ça vous plaît, venez nous aider, si ça vous plaît pas. Tu vois, on est plus dans le travail direct, dans la réappropriation de tout ce qu'on nous a volé, la parole, le savoir. 6 mois d'NDDL, c'est 3 ans ailleurs, quoi, parce que tu apprends tellement de choses, il y a des gens qui savent faire tout avec rien, et des gens qui ont besoin d'apprendre. C'est très intéressant humainement de se réunir dans des lieux comme ça. Bon, il y a NDDL, mais il n'y a pas que ça. Mais NDDL, c'est là où c'est le plus poussé, parce que ça fait 4 ans qu'on résiste. J'invite tout le monde à y passer. Hein, c'est la maison, quoi. Merci, mais c'est complètement dans le sujet en fait. Et, ouais, non, c'est dans le sujet hein, carrément. Hein, c'est dans le sujet carrément. Hein. Parce qu'il y a, enfin ça, du coup ça donne des propositions, etc. Donc c'est concret. Et en fait, juste, je vois comme en fait, comme on parle du monde bancaire, etc. Je pense qu'on va pas mal attaquer la société sans argent en même temps parce que ça repose souvent la question en fait. Tiens. Moi j'avais une question à te poser, par exemple, je sais pas, ton téléphone, j'imagine, bon bah tu l'as payé, et puis t'as, faut que tu payes un forfait, tu fais comment quoi concrètement pour avoir l'argent? Ben moi c'est des gens qui m'aident, moi j'aide des gens, et c'est des gens qui m'aident, genre le téléphone là, c'est un copain qui m'a pris un forfait, et qui tous les mois me paye mon téléphone, et quand je lui dis, ouais mais mec, ça me gêne un peu, il me dit, ouais mais toi t'es tous les jours sur la route, tu m'aides à savoir qu'est-ce qui se passe, où ça se passe, et donc du coup, ben moi j'ai envie de t'aider. C'est du don. Tout ce que j'ai, c'est du don. Tout ce que j'ai, c'est... Enfin, ensemble, on a une force, tu veux, que individuellement, on l'a pas. Et du coup, moi, ça fait 4 ans que je donne ma vie pour essayer d'informer les gens, pour essayer d'aider les gens. Et sans demander rien en retour, mais tu vois, les gens te donnent en retour quand tu demandes pas, quoi. Tu vois. Donc moi, je suis pas un décroissant, je suis pas un anarchiste, je suis juste Fred. Je suis conscient que ce que ma vie elle peut être positif ou négatif. Je suis conscient que tous les gens là sont mes frères et des êtres humains et pas des Français ou des musulmans ou des hommes ou des femmes, juste des humains quoi. Et que ça fait des décennies que des gens essayent de nous séparer. Et puis moi, bah avec des copains, on essaye des copines, on essaye de se réunir. Et c'est là où on est fort. Et donc on peut avoir tout. Hein. Moi j'ai un PC, j'ai des chaussures, parce que j'ai des copains et parce que j'aide des gens. Du coup, je continue sur les communs, l'électricité et l'eau, comment ça se passe? Bah alors, il y a des lieux où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Et il y a des lieux où on se branche sur des lignes de tension. Il y a des lieux où il y a des éoliennes. Chacun apporte une solution à un problème en groupe, quoi. On est 15 à vivre ici, on va dire. Bah, demain, on va se débrouiller pour fabriquer de l'énergie. On est capable de tout, hein. On nous a juste dit que apprends un métier et après tu paieras pour le reste. Si ben moi je préfère apprendre plein de métiers et puis pouvoir le savoir c'est l'enrichissement quoi. Donc on peut tout avoir, hein. On peut avoir des téléphones, on peut avoir tous les outils sont bons, c'est juste qu'ils sont mal utilisés. Ils sont utilisés pour faire de l'argent pour une très petite minorité. Aujourd'hui, toi et moi, on peut se les réapproprier et en faire autre chose. Bon, pas ici, mais à 200 mètres ou 1 km, on peut, quoi. Enfin, voilà. Tout est possible. Il n'y a pas ou les décroissants ou les capitalistes. Il y a un truc entre les deux hein, qui s'appelle la conscience et où on est capable tous ensemble de réfléchir à quels sont nos problèmes et comment on peut résoudre les solutions. Tout à l'heure, je t'entendais parler des ressources. On pourrait très bien couper des arbres pour se réchauffer. C'est pas le problème, mais on pourrait aussi en planter 4 pour avoir coupé un. On peut très bien exploiter une terre, mais on peut aussi, juste après l'avoir exploitée, l'enrichir et la chérir comme si elle était nous, quoi. Enfin, il n'y a pas de mauvaises choses, il y a juste on fait juste les mauvaises. Enfin, c'est juste pour de mauvaises raisons qu'on fait les choses. Et le système bancaire, se réapproprier l'espace, se réapproprier la parole, ce qu'on fait aujourd'hui, ça tient qu'à nous. Et on est tous. Moi, j'ai commencé à lutter à 34 ans, donc je vais dire tout. Enfin, tout commence quand on prend conscience. Tout à fait d'accord. Du coup, je rappelle le sujet. On était sur socialiser. Enfin, le point sur lequel on essaye d'avancer, socialiser ou étatiser. Oui, le monde bancaire. Rendre aux citoyens le pouvoir de création monétaire, supprimer les taxes commerciales et les impôts grâce à la Banque Nationale. Voilà, donc si vous avez encore des idées là-dessus, des propositions concrètes ou pas. Ouais, j'avais juste, du coup je refais juste un grand demi-tour sur ce que tu avais dit au tout début en fait sur les impôts. Ou c'est surtout sur... Oula. Bon. Tout va bien. Ouais. Sur les impôts, oui, qui étaient mal redistribués en fait, surtout parce que moi non plus je sais pas s'il faudrait supprimer les impôts ou pas, un peu compliqué, mais en tout cas, ils sont certainement mal redistribués. Ou... Et du coup, j'avais juste une info en fait comme ça que j'ai entendue il y a pas longtemps, mais pourtant qui est assez vieille, sur les autoroutes et Vinci en fait. Et du coup, là, pendant un demi-siècle, c'est eux qui vont toucher tous les bénéfices, alors que pourtant, nos impôts vont continuer à payer les travaux des impôts des autoroutes. Donc, il y a une grosse. Oui, ils payent une partie, mais nos impôts continueront de payer une grosse, enfin leur partie habituelle en fait. Enfin. Enfin, je... Ah ouais, ouais, ouais, il paye toujours. Donc, sur, enfin, si tu veux, ma source c'est aux Angosés. En général, elle a des très bonnes sources, mais voilà. Mais après, bon, c'était juste pour, voilà, parce que moi-même, je tombe dans le piège. On va pas trop parler de la société actuelle, mais c'était juste pour dire qu'effectivement, on peut peut-être mieux vérifier où nos impôts vont. Voilà. Moi aussi, pour les autoroutes, là, quand tu les vends, il paraît qu'en 2 ans, c'est remboursé. 2-3 ans, t'es remboursé. Et ouais, en fait, il y a plein de gens qui proposent, même dans les politiques, hein, même des gens de droite, là, qui proposent, enfin, des gens qui sont un peu plus souverainistes, qui proposent ça. J'ai écouté Dupont-Aignan, par exemple, qui proposait de racheter les autoroutes en fonction, en fait, des bénéfices qu'ils ont faits. T'enlèves les bénéfices qu'ils ont faits et des travaux qu'ils ont faits. Voilà, tu comptes ça dedans. Et au pire... tu continues un petit peu le péage le temps de rembourser au pire quoi, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin et après tu rends les autoroutes gratuites. Enfin, normalement les autoroutes elles devraient être gratuites hein. Juste pour les banques là, j'ai pris en route Sylvain là, quand il parlait des banques. Je ne sais pas si vous avez parlé de la loi de 73 hein. Non, vous avez parlé de la loi de 73. Donc la loi de 73, je vais en parler rapidement. Alors, en fait c'est Giscard d'Estaing hein. C'était Giscard d'Estaing qui a fait cette loi. C'est une loi qui à l'époque où la France était encore souveraine au niveau de sa monnaie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque de France, dès le départ, elle n'a jamais été de France. Elle a été privée, hein, même sous Napoléon. Mais bon, là, je vais passer de Napoléon à 73, hein, 1973, excusez-moi. Hein. J'ai pas trop le temps. Mais puis je connais pas tout non plus. Hein. Et la loi de 73, en fait, c'est une loi qui interdit aux banques... au pays d'emprunter de l'argent à leur banque à eux-mêmes, enfin de s'emprunter eux-mêmes à leur banque, parce qu'en fait c'est les pays qui font la Banque de France, c'est elle qui fait la monnaie normalement, et donc normalement elle devrait pouvoir s'emprunter de l'argent sans intérêt, et la loi de 73 elle interdit ça, elle oblige l'État français à emprunter, c'est vachement grave hein, à emprunter de l'argent aux banques privées avec des intérêts. C'est une grosse arnaque, quoi. Ce qui fait que c'est les banques privées, en fait, par ce mécanisme, qui font eux-mêmes la monnaie. Puisque c'est eux qui font les crédits. Donc, comme ils font les crédits, c'est eux qui font la monnaie. Et donc, on retrouve ça après dans le traité de Maastricht, dans le traité européen et dans le traité de Lisbonne aujourd'hui. C'est le même problème avec la BCE. Les États ne peuvent pas emprunter eux-mêmes. Ce serait simple. Normalement, c'est un État, il doit pouvoir s'emprunter à lui-même de l'argent, parce que c'est lui qui fait l'argent. Mais non, il n'a pas le droit. Il est obligé de passer par des banques privées. Hein. La BCE, ça fonctionne comme ça. Hein. La BCE, c'est, voilà, les États, s'ils veulent emprunter de l'argent, ils ne passent pas par la BCE, ils passent par des banques privées. La BCE, en plus, elle prête de l'argent aux banques privées à des taux encore moindres que, évidemment, que les États. Enfin, c'est une grosse arnaque, quoi. Voilà, ce qui fait que c'est les États, c'est les banques privées qui font la monnaie, qui font à travers le crédit. Voilà, c'est juste pour parler de ça, quoi. Voilà, ça, c'est une grosse arnaque qu'il faudrait, évidemment, changer dans la société... idéal. Merci Sylvain. Bah pour revenir sur les autoroutes, en fait, il y a un truc, c'est même plus loin que tu penses, parce que tu veux, quand Vinci il a acheté les autoroutes à l'État, ça je vous jure que c'est vrai. Hein. Dans le contrat, il y a marqué que si un jour Vinci est en déficit, c'est l'État qui paye, donc nos impôts. C'est-à-dire que si un jour on boycotte les autoroutes parce que c'est trop cher et qu'on prend les nationales, les départementales, eh bien, on se trouvera quand même à payer dans nos impôts, sans le savoir, les autoroutes de Vinci. Je vous jure que c'est vrai, hein, c'est dans le contrat. Il y a un autre truc qui est dans le contrat, c'est qu'en général, quand il y a un partenariat privé-public, il y a l'État s'engage à des choses et l'entreprise aussi. C'est-à-dire, par rapport à Notre-Dame-des-Landes, l'État s'est engagé à financer à hauteur de 20% le projet, et à ce que Vinci puisse faire en toute sécurité les travaux. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vinci s'est engagé, lui, à financer à hauteur de 80% les travaux. Et donc, du coup, si là l'État, il va payer tout ce que Vinci, c'est dans le contrat aussi, hein, tout ce que Vinci aurait dû gagner si l'aéroport se construit pas, c'est l'État qui va le payer, et donc vous. Pas moi, parce que moi je paye pas d'impôts et je suis sorti du système depuis 4 ans. Mais en gros, c'est en fait il y a déjà dans les contrats c'est marqué, ça va plus loin qu'on se compense, mais c'est pour ça qu'ils en disent mot. Pour l'écotaxe, c'est pareil. Ecomove, l'entreprise qui devait collecter les fonds, l'État va devoir payer à Ecomove des millions d'euros parce qu'ils se sont engagés dans le contrat textuel. Vous regarderez sur Internet, hein, contrat Vinci-État, et vous allez voir, dans chaque contrat, il y a des clauses qui font que si l'entreprise ne fait pas de bénéfice, c'est nous qui payons, quoi. Donc ça va même plus loin que ça, hein, les autoroutes. Enfin voilà. Oui, ils avaient aussi, ils s'étaient aussi engagés à pas augmenter les péages normalement. Ils ont augmenté de 20% depuis 5 ans. Donc voilà, c'est dans les deux sens que. Donc dans la société idéale, on supprime la BCE. Hein, je suis d'accord. C'est complètement con ce système. Alors oui, bon après ça, c'est pas dans le thème tout de suite, mais ça sera dans le thème bientôt, je pense. Moi, pour rebondir sur quoi ? Sur les impôts. Effectivement, les impôts ou pas. Moi, dans la société idéale, je verrais bien en fait un espèce de des espèces de conseils en fait qui se réuniraient. Ou par exemple, il y aurait à l'ordre du jour, bah voilà, il y a besoin de faire une école. Et dans ces cas-là, les gens votent pour l'école. Et effectivement, il y a un financement alors qui provient de la. Alors je vais pas dire la communauté, mais on va dire des gens du conseil ou des gens qui sont dans le secteur où il y a besoin d'une école. Et donc du coup, ça en fait, ça permettrait d'éviter tout système d'impôts en fait. Et on irait vers quelque chose de quand on a besoin. Il faut refaire une route, et ben dans ces cas-là, on vote. Si la majorité des gens du conseil votent pour faire la route, et ben on fait la route et c'est le conseil entre guillemets. Enfin voilà, c'est les gens qui rapportent leur argent. Ça serait un truc un petit peu comme ça. Voilà, mais je crois que ça se fait dans certaines régions de certains pays où ils arrivent à. En fait, c'est eux-mêmes qui votent les projets qu'ils font. Comme ça, on sait au moins où l'argent va et au moins ça va dans des choses qui sont utiles. Et surtout, bah, y a un semblant entre guillemets de démocratie. Voilà, ce serait éventuellement une proposition. Mais du coup, par rapport à cette proposition, comment tu fais, en termes d'inégalité des territoires, parce que tu as des territoires qui sont très habités, donc où il y aura plus potentiellement de gens qui pourront payer des choses, et des territoires qui sont très peu occupés, où tu auras très peu de monde pour payer, financer une école, financer des routes, enfin financer des projets, quoi. En tout cas, ouais, on avait déjà évoqué l'idée de prendre des décisions sur les projets, de prendre des décisions ensemble. Je pense que ça fait partie du truc. Ouais. J'ai deux tours de parole et après, si tu veux, je te reprends. C'était juste pour rebondir sur ce que disait Fred à propos des autoroutes. Là. Pour la téléphonie, c'est exactement la même chose, quoi. En fait, on a installé tous les câbles et tout pour pouvoir téléphoner. Et à un moment donné où ça allait rapporter vraiment beaucoup d'argent, c'est-à-dire à un moment donné où Internet est arrivé et où on a vendu un maximum, où il y a eu l'invention des téléphones sans fil, les téléphones portables, où il y en a eu un maximum, même les enfants en ont, c'est-à-dire que ça devenait un business énorme avec Internet et la téléphonie portable. Et ben on a vendu tout ce qu'était France Télécom aux opérateurs, quoi, voilà, à des opérateurs privés, alors que c'est un truc qui gagnait beaucoup d'argent à l'État. Il n'y avait aucune raison de vendre ça comme par hasard, on voit que, par exemple, comme opérateur privé, on a Bouygues, le fameux parrain du père à notre ancien président de la République, etc., etc. La boucle est bouclée, voilà, quoi. Et justement, à propos de, aussi, pour toujours rebondir sur Fred, sur ce qu'il disait sur le contrat de Vinci, là, avec au cas où Vinci perd de l'argent, perdrait de l'argent, c'est l'État qui paye. Demain, il y a une super manif qui s'appelle une manif contre le TAFTA. Le TAFTA, c'est exactement le principe. Hein. Et CETA, ouais, voilà. Bien sûr, et CETA, voilà, on fait rajouter, oui, à ne pas oublier. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le TAFTA, le principe, c'est exactement pareil. C'est exactement le même principe. Par exemple, on a Philippe Morris, parce que c'est un accord qui va être fait entre les États-Unis et l'Union européenne, la fameuse Union européenne dont il faudrait sortir. Pour ces raisons-là, déjà, et pour bien d'autres, pour justement ne plus privatiser des choses qui gagnent de l'argent comme France Télécom, etc., etc., les hôpitaux, etc., parce que tout ça aussi c'est dans le traité de Lisbonne, hein. Donc le TAFTA, je reviens sur le TAFTA. Le TAFTA, c'est justement, c'est un gros problème. On a une entreprise américaine comme Philip Morris. Tout d'un coup, l'État français, pour des raisons de santé, ce qui est normal, hein, ce qui est bien, décide de mettre sur les paquets nuit gravement à la santé, sur les paquets Philip Morris. Et ben, Philip Morris va gagner moins d'argent, donc il va aller voir l'État français. Et la différence qu'il va perdre, et ben, c'est l'État français qui sera obligé de le payer. Voilà, c'est ça. Ouais, absolument. Vous pouvez me regarder bizarrement. C'est ça le TAFTA. C'est ça le TAFTA. C'est ça le TAFTA. Ah d'accord, c'est que vous ne pensiez pas que je parle du TAFTA. Si, je parle du TAFTA depuis le début. Le TAFTA, c'est ça. Le TAFTA, c'est comme ça. Ça sera ça. Ce sera les entreprises qui attaqueront les États et, voilà, pour des raisons X, Y, comme celle-là, par exemple. Pour une raison. Alors que l'État qui normalement fait des choses, par exemple, pour la santé, si par exemple il y a un truc qui est normal, tout ça, c'est pour les citoyens. Hein. Nuit gravement à la santé, par exemple, mais même on peut avoir plein d'autres choses. Hein. Un médicament, par exemple, un médicament qui serait dangereux, on le retire du marché, bah, faudrait que l'État français paye aux Américains, au labo, aux pharmaceutiques qui auraient ce médicament, la perte d'argent de ce truc. Alors qu'en plus, c'est des voyous. Ce qu'il faut savoir, par exemple, dans Philip Morris, c'est qu'on met même des drogues pour rendre des gens addicts, etc., etc. Voilà, c'était juste pour parler du TAFTA et rebondir sur ce que disait Fred. Merci beaucoup. Bon. Mais là, j'attends que quelqu'un écoute. Parce que... Bon, Khaled. Oui, bon. Alors, j'écoute attentivement tout ce que vous avez dit et je suis épouvanté par l'énormité des tâches qu'il faudrait affronter pour pouvoir résoudre tous ces problèmes. Et avec les ressources à notre disposition, il me semble qu'il faut peut-être mettre de côté l'actualité pour s'attaquer. Là, j'ai réfléchi, hein, je suis en train de penser et de vous donner mon opinion. D'attaquer les fondements de la société actuelle. Parce qu'autrement, si on reste sur la surface, il faut passer de l'aspect social des choses à l'aspect politique. Si on est in linea politica, et qu'on décide de l'appliquer rapidement en temps des élections. Je vais faire un exemple. Il va y avoir des élections. Si on développe nuit debout dans la province et peu partout, je pense que vous avez tous l'intention de le faire, hein, mais il faut se donner un objectif précis, c'est-à-dire les votes blancs. Le vote blanc, s'il est vraiment nombreux, c'est une arme. Hein? Mais il faut être sélectif, dans le sens que quand les élections sont locales, hein, à la base, on peut très bien faire le contraire que les votes blancs, participer massivement et déterminer par les bancs la politique qui va nous conduire à faire une opposition extérieur au système et dans lesquels on peut effectivement avoir des résultats, puisque c'est une politique de proximité. Et au contraire, quand il y a des élections législatives, des élections présidentielles et même municipales, mettons dans les villes, c'est pas la même chose qu'à la campagne, où les gens ont une connaissance directe, à ce moment-là, il faut se battre pour les votes blancs, c'est pas s'abstenir, c'est participer activement, mais les votes blancs, s'ils dépassent 50%, ça obligera les systèmes à se remettre en question. Et par contre, si on arrive à s'introduire par les bas, dans les municipalités, dans les organismes, dans les associations, etc., et être d'accord et lié, les résultats sont probablement beaucoup plus rapides que se battre contre l'argent. Voilà. Et je fais un exemple quand même, qu'en Italie, je suis italien, donc je peux prendre parti peut-être sans, un peu subjectivement, mais en Italie, depuis 8 ans, 5 étoiles, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne comprends pas, Khaled. Ah, tu veux intervenir? Pas de problème. Vas-y. Et alors Je crois quand même qu'on peut se donner la peine, les mouvements même, nuit debout, par un calcul qui ne doit pas être très compliqué, il y a les abstentions, il y a ceux qui participent, et après il y a les quantités de votes qui sont valables. Il s'agit d'une opération mathématique assez simple. Et si on connaît les votes blancs, les poids qu'il a, s'il dépasse 50%, c'est quand même vraiment un changement de situation. Alors je vais lire l'exemple de 5 étoiles qui est parti comme nuit debout par un comique, Beppe Grillo, et qui est arrivé actuellement être les partis majoritaires en Italie. Évidemment, pas majoritaire à la Chambre, à l'Assemblée, parce qu'avec un système de proportions, disons, et les systèmes d'égalisation, mais ils ont déjà gagné des mairies comme Milan, Turin et Rome, la vice-présidence de l'Assemblée, mais ils étaient partis sur une autre optique, c'est-à-dire par les connaissances sur le terrain. Les mondes de demain, la proposition qu'il faut faire, si vous voulez vous battre ancora, bon, j'arrête. Seb, est-ce que tu peux nous rappeler le sujet dont on parle là tout de suite maintenant pour que les gens soient tous sur la même longueur d'onde, s'il te plaît? Oui, mais après il a voulu développer sa façon. On est sur socialiser ou étatiser le monde bancaire, mais supprimer les taxes commerciales et les impôts. Et rendre le pouvoir aux citoyens de créer de la monnaie. Voilà. Mais voilà, c'est parti autour de ça. Du coup, alors, il y avait un monsieur, du coup, je te passe le micro après. Moi, je veux dire une chose, c'est que ce qui m'a dit un petit peu, c'est quand, lorsque on questionne les gens qui sont dans la voiture, surtout, ben moi, ça serait moi, il y a une chose que je dirais, je n'irai pas dans le restaurant. Puis, il ne faut pas être pressé pour faire des kilomètres. Alors moi j'estime que ben puisque moi j'appelle ça la voiture, c'est la vache qui tire du gouvernement. Elle a des pis, toi. Une vache, on y tire du lait, ben là on est en train de la traiter. Donc les gens sont là et disent ben moi puisque c'est ça, eh ben j'achète ma bouffe, puis quand je fais un arrêt, je ne vais pas manger au restaurant. Voilà, c'est tout, il y a une chose à faire. Et puis ni donner quand il y a des quêtes ou à la télé, il y a des surpleureurs, eh ben on dit ras-le-bol, puisque vous nous en prenez dans vos poches. On n'en donne plus, voilà, et c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, en effet, il y aura une partie qui sera sur qu'est-ce qu'on fait de la démocratie, comment on réinvente le gouvernement. Et aujourd'hui, c'est plutôt sur l'aspect comment est-ce qu'on répartit les richesses, les biens communs, et comment est-ce qu'on peut s'organiser. Et du coup, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, ça me posait une question sur, en effet, au niveau local, ce qui a été dit sur Notre-Dame-des-Landes aussi, ça semble toujours très réalisable et même plutôt simple, en fait, de mettre en place des choses au niveau local. Et se pose la question qui a été posée par toi, je crois, sur, oui, mais il y a des territoires qui sont inégaux. Donc, mais du coup, en fait, on pourrait renvoyer les choses encore plus loin, parce qu'on pourrait dire, dans ce cas-là, on peut penser au niveau national, oui, enfin, après, il y a des nations qui sont plus inégales que d'autres. Donc, il faudrait une gestion et, là où ça demande du coup un petit peu un aspect structural. Et donc je sais pas, moi je pose plus des questions comme souvent d'ailleurs que je donne de réponses, mais voilà, je pose la question, comment est-ce que ces processus démocratiques qui peuvent être effectués au sein d'une communauté, donc de façon locale comme à Notre-Dame-des-Landes par exemple au niveau d'échange de biens, etc., est-ce qu'il faut que ce soit alors ça repose la question de la représentation, c'est pour ça qu'on n'est jamais loin du système politique d'ailleurs. Mais est-ce qu'il faut que ce soit relancé, enfin que ce soit géré au niveau national, ou après tout, toutes les communes se débrouillent entre elles et font du lien, du coup, entre les autres communes, et en fait, ça se fait tout par réseau et pas du tout sous un système hiérarchique. Parce qu'on peut aussi penser ça, hein, d'une certaine façon, après tout. Là, le problème, c'est qu'il y a un système hiérarchique qui poursuit les inégalités. Alors que si tout se faisait par réseau, peut-être que... Oui, non, mais il y avait des inégalités avant, je n'ai pas dit qu'il les a créées, mais... Oui, mais peut-être que du coup, si tout se faisait en réseau, c'est-à-dire les communautés entre elles, eh bien, les tout simplement déjà au niveau des villes, des campagnes, eh bien, ça se déploierait différemment au niveau de l'urbanisation. Enfin, je sais pas, mais je me demande si on pourrait pas penser de façon tout par réseau et horizontale plutôt qu'un... Donc finalement, presque sans gouvernement. Alors c'est encore un autre truc, mais je sais pas, ça me vient comme ça. Mais... Merci. Alors moi, je viens d'arriver et je viens de voir Atelier Éducation Pop. Je crois que je suis venu une fois, mais je n'étais pas intervenu. Ce qui se passe, c'est que on parle de banque, on parle de choses très très très importantes, mais si on ne fait pas masse, parce que moi je suis pas propriétaire, j'ai pas de banque, je ne sais pas si je suis hors sujet, parce que il se trouve que on vit dans une société où il faudrait reconstruire la gauche. Pour moi, depuis 2002, même si la gauche elle est au pouvoir aujourd'hui, elle est plutôt à droite, cette gauche. Et peut-être parce que j'ai beaucoup voyagé aussi, j'imagine que si aujourd'hui, hein, je veux parler de faits d'actualité, pour ouvrir un petit peu le débat, parce que ça se précise et puis on ne voit pas du tout. Bon, moi, je ne comprends pas. Je me demande si je ne suis pas hors sujet. Mais Bob Dylan, aujourd'hui, c'est un mec qui s'est battu toute sa vie pour des causes... indéfendable, et il est resté en vie jusqu'à 75 ans. Aujourd'hui, il y a un événement incroyable, c'est qu'il est devenu... il a eu le prix Nobel de littérature, alors qu'il n'est pas écrivain. Il est pas président, il a rien du tout, il est juste chanteur. Moi, je vais expliquer ce que la gauche devrait faire. Parce que là, on parle de banque, mais moi, j'ai grandi au Luxembourg, un pays très très riche. Dès que je sortais de chez moi, il y avait toutes les banques du monde autour de moi. Mais j'ai bien vite compris que le riche aura toujours raison. Et le pauvre, il pourra avoir raison seulement quand il fera masse. Comme Notre-Dame-des-Landes, si on vient de façon isolée et on parle de choses qu'on n'a pas, comme des budgets, on n'a pas de budget, on parle de banque, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu hors sujet tout ça. Je sais pas, hein. C'est pas parce que j'ai grandi au Luxembourg, mais je me suis vraiment rendu compte que celui qui a de l'argent, même quand il a tort, il arrive à faire croire qu'il a raison. La preuve, Donald Trump. On est dans une universalisation de monétaire, quoi, qui fait que même toutes ces associations, là, si elles n'existent pas, la nuit debout, on peut faire en sorte qu'elles n'existent pas. Mais en fin de compte, moi, je veux qu'elle existe. Vous voulez qu'elle existe. Par contre, je sais que les gens, parce que je sais pas, encore une fois, peut-être que j'ai grandi au Luxembourg, très riches, vous leur parlez de nuit debout, même s'ils savent, ils vont dire je connais pas. Donc, je pense qu'il faut être réaliste. Faut pas parler de sujets, de budget en banque et tout ça, qu'on n'a pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, je comprends complètement. En fait, c'est normal. C'est parce qu'en fait, dans l'atelier, du coup, on est d'accord pour dire qu'en fait là on imagine une société idéale, mais on est bien conscient que pour l'instant on n'a pas les moyens de la créer. Et du coup ça sera le prochain atelier, ça sera comment maintenant arriver à cette société. Donc ça sera un autre travail après. Mais d'abord on essaye de définir quelle société on veut. Et le prochain atelier, donc dans je sais pas combien de temps, ça sera quels sont les moyens et par quels moyens on peut y arriver. Donc là, je pense que c'est par là où tu veux aller. Mais ça sera une autre question du coup. Du coup, il y avait une autre réaction. Je sais plus s'il y avait. Non, il y a personne sur le tour de parole. Oui, j'arrive. C'est pas la question. Là, en fait, c'est sur le point. On réfléchit sur plusieurs points. Et le point là sur lequel on réfléchit, tu peux donner des propositions. C'est socialiser ou étatiser le monde bancaire, supprimer les taxes commerciales, il y a aussi rendre le pouvoir aux citoyens de créer de la monnaie. Ou supprimer les impôts, voilà. J'imagine que tu as des idées. Allô. Rendre le pouvoir monétaire aux citoyens. À part tuer la moitié de la terre et faire que des petits villages partout, je vois pas comment on va faire. Donc ça, c'est un peu... je pense pas que c'est intéressant. Non, parce qu'eux, ils ont prévu de supprimer 80%, enfin le système, l'oligarchie, donc que vous soutenez tous, que vous travaillez tous pour eux, là, au champ, Carrefour, enfin, toutes ces conneries, ont prévu d'éliminer 80% des terriens pour leur futur leur futur business là, parce que avec tous les robots, avec là où ils vont, ils en ont plus besoin en fait de nous. Mais la question des impôts elle est intéressante et ce serait bien de parler, d'expliquer pourquoi on paye des impôts et à quoi ça sert. Parce que jusqu'à présent, ça fait des années que les gens payent des impôts, ça n'a jamais servi à rien, enfin je pense. Ou alors je me trompe. À part appauvrir le peuple. Non mais je suis d'accord, hein, faut l'expliquer. Mais d'ailleurs, tu as déjà fait une intervention sur les impôts pour. Ici, enfin, on essaye vraiment de donner des propositions pour une société qu'on voudrait. Donc, et comme tu as répondu au monsieur d'avant, du coup, ce que tu proposais, du coup, mais comment on va faire, ça sera le prochain atelier, donc dans très longtemps, ça sera par quels moyens on peut y arriver. Donc, pour l'instant, on essaye d'abord de définir vraiment ce qu'on veut, et ensuite, on verra comment y arriver. Mais à la question revient tout le temps. Je sais pas, tu veux la parole ou. Moi, ça me gêne pas de payer des impôts s'ils sont bien utilisés. Voilà, parce que je pense que effectivement, quand t'as un cancer et que ça coûte 100 000 euros quasiment pour te faire soigner, je suis bien contente de pouvoir me faire soigner aussi. Enfin, je veux dire, c'est arrivé à mes parents, ils ont eu 3 cancers à eux deux, ils sont fait soigner. Je suis contente d'être dans un pays parce qu'il y a des pays où on peut pas se faire soigner. Et les impôts, ça sert aussi à ça. Enfin. Excusez-moi, je pose la question à madame. C'est quoi les cancers et comment on attrape des cancers? Non, mais pour répondre à ta question, réponds, tu as compris. J'en sais rien. Du coup, sur. Alors, sinon, on peut passer aussi au point d'après, hein, peut-être. Alors, moi, ce que je proposerais, ce serait que, vu qu'on se prend un peu la tête sur les impôts, est-ce que dans la société qu'on veut, ce qu'on conçoit comme des impôts aujourd'hui, eh bien, ça prendrait un autre nom? Par exemple, je sais pas moi, contribution commune ou pot commun ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et aussi, est-ce que ce serait possible que ces contributions à pot commun et autres, eh bien, ils n'aillent pas dans une seule caisse où après c'est l'armée, l'éducation, les déplacements des ministres et je ne sais qui d'autre qui prend dedans. Est-ce qu'on... On ne saurait pas exactement, ça n'irait pas dans une seule caisse, mais dans plusieurs caisses. C'est-à-dire, tu aurais une contribution où on sait qu'elle va pour l'éducation. Une contribution où on sait qu'elle va pour. Alors, j'imagine que ça existe déjà. Je suis pas un spécialiste, hein, mais voilà, ce serait déjà changer, déjà se débarrasser du mot impôt qui est extrêmement négatif dans l'esprit de tout le monde. Moi, en fait, c'était juste pour poser une question à propos justement des impôts et du budget de l'État. Est-ce qu'on a vraiment une transparence totale sur ce que fait l'État avec l'argent des citoyens français, quoi? Est-ce qu'on a vraiment une transparence totale? Là, je pose la question, quoi. Voilà, il y a la Cour des comptes, ouais, mais il y a des choses. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui passent. Je sais pas. Hein, c'est une question que je pose. Hein, mais de toute façon, le système bancaire, déjà, c'est un peu bizarre. Des fois, il y a des trucs. Voilà. Donc voilà, je pose la question, c'est tout. Hein, après. Mais très bien, mais en fait, je vais te passer tout de suite. Mais pour traduire dans une société, déjà, on ne sait pas encore si on veut une société sans argent, mais en tout cas, si on a de l'argent et qu'il est géré en commun, on veut de la transparence. Enfin, ta proposition, ça serait évidemment d'avoir de la transparence sur total, voilà, total. Je cherchais un mot, t'inquiète pas. Voilà, Ouais, pour te répondre, à mon avis, il y a d'une part les fonds qui passent, qui sont surveillés par la Cour des comptes. Une Cour des comptes qui n'a aucun pouvoir si ce n'est imprimer des rapports et qui épingle tous les ans, ça part, sort dans les médias. Donc déjà, on a de l'argent qui est utilisé un petit peu n'importe comment au vu de tout le monde via la Cour des comptes. Et après, évidemment, dans certains... comme dans les boîtes, comme dans un peu partout, voilà, il y a des budgets qui sont plus ou moins officialisés, d'autres qui le sont moins, et puis ça dépend. Je pense que au ministère des affaires spéciales et de l'espionnage, j'imagine que le budget il est un peu moins clair que au budget de, je sais pas, des anciens combattants par exemple. Oui, mais je me rappelle plus ce que je voulais dire tout à l'heure. Mais sincèrement. Ouais, je... ouais, vas-y. je redonne après. Donc juste pour répondre au monsieur là qui parle de la Cour des comptes et eh ben justement, il n'y a pas de transparence totale. C'est pas... En fait, j'étais un peu en même temps... En... Non ? Dans la Cour des comptes, non. Par exemple, on voit par exemple que je sais, il y a des gens qui se font épingler, des ministres, des machins, pour des trucs qu'ils font qui sont pas normales. Par exemple, comment ça se fait que l'ancien ministre du Travail, qui était, qui s'appelle Rebsamen, un truc comme ça, voilà, Rebsamen, qui était à la mairie de Dijon, comment ça se fait qu'ils ont fait des empreintes toxiques? Et c'est pas les seuls. Il y a plein de gens qui ont fait des empreintes toxiques. Ça, la Cour des comptes, c'est pas passé dans la Cour des comptes, hein, parce que sinon, ça aurait été tout de suite, voilà. Donc voilà des exemples où ça magouille et en fait, bah voilà quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont au pouvoir, c'est eux qui font les lois, c'est eux qui font les choses. Donc voilà, ils magouillent quoi. Ils magouillent pour, ils travaillent pas pour le peuple, hein, tous ces gens-là. Hein, comme la loi de 73 que je parlais tout à l'heure de Giscard d'Estaing, elle n'a pas été spécialement fait au vu et au su de tous, hein, puisque on a mis un petit moment avant d'entendre parler. Non, c'est trop tard, vas-y. Donc, en fait, la question qui est posée là, je sais pas, on va sincèrement, c'est important de le sujet d'après, donc de dire quelles sont les opérations qu'on peut mettre en place justement pour changer tout ça. Et déjà, une question qu'on peut se poser, c'est peut-on changer le système sans le détruire? Parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire du changer le système, écrire des constitutions, en laissant le pouvoir à des gens qui vont les menacer, qui vont les pourchasser. Donc peut-on réellement changer le système sans le détruire? Et peut-on le détruire de face à face? Moi, je pense pas. Donc on ne peut le détruire que en les ignorant, mais en les ignorant tous ensemble. Et si on les ignore tous ensemble, je pense pas qu'ils puissent encore nous menacer. Mais pour le problème de l'impôt, tu parles de la Cour des comptes, du système des impôts, de ceci et cela, mais tout est déjà chiffré. Lorsque on te marque les montants de la dette, tout, tu peux aller sur internet, tu as le montant de la dette, tu as ceci, les intérêts. Lorsqu'on te montre les impôts, tu as ceci, les intérêts, les tenants, les aboutissants. On sait que les taxes, la TVA, c'est ça qui rapporte les trois quarts des impôts. Donc la TVA, c'est l'argent découle de la consommation. Donc si le fait de consommer et de construire un pays, de construire le vivre ensemble, c'est ça qui rapporte le plus d'argent au pays, bah, faut donner aux gens les moyens de consommer. Donc, il y a un problème simple, c'est pourquoi le fait de consommer rapporte un maximum d'argent à l'État et pourquoi on empêche le peuple de consommer en lui prenant la moitié de son salaire en impôt. C'est-à-dire la moitié que prend, une partie que donne directement l'employeur à l'État et les deux mois qu'on vous prend à la fin de l'année Enfin, vous avez passé votre truc et on vient, on vous le prend. Donc, la raison posée, je vois mon ami là, il est énervé aussi, il a beaucoup de choses à dire. Et je te comprends, on est vraiment tous dans une merde pas possible. Donc, la vraie question c'est, est-ce qu'on commence vraiment à réfléchir pour de vrai ou est-ce qu'on continue à faire les littéraires, les sorties de bac plus 40 d'école et qu'on continue à raconter et à débattre sur les illogismes que nos professeurs d'école nous ont bombardé les cerveaux parce que leur système et le système étatique leur a imposé de nous donner. Donc la question c'est, est-ce qu'on fait, on se parle pour de vrai pour dire s'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, telle problématique, même si l'autre on comprend pas, on est d'accord et on réfléchit sur la chose parce que à part se dire vraiment les choses en face et parler pour de vrai et se disputer et réfléchir ensemble, on peut rien faire d'autre. Parce que le système nous a entubés de A jusqu'à Z. Depuis que t'es né, t'as un pauvre Bledina qui va t'enlever tes défenses immunitaires, qui va te préparer à être malade. Et donc, tout le reste du système, c'est pareil. On te prépare à être un couillon. Et donc, toi, tu rentres à l'école, tu te bats pour avoir un diplôme bac plus 40, t'as travaillé comme un dingue. Hein, t'as même pas de femme, t'as pas d'amis, t'as rien du tout tellement t'as voulu avoir un diplôme. Tu sors de ton diplôme il te sert à rien d'autre qu'à travailler pour le système, à les rendre riches. Et toi, bon bah ta cervelle est toujours aussi vide. Donc maintenant pour trouver une femme, tu vas trouver une femme aussi stupide que toi parce que il faut qu'elle ait le même niveau intellectuel que toi. Donc la problématique elle est là. C'est-à-dire que on peut parler de tous les systèmes que l'on veut, mais si on n'accepte pas de se contredire, de pas être d'accord et de parler pour de vrai, mais de parler de nous et de mettre de côté les pensées du système, c'est-à-dire de ne pas parler des valeurs du système, de ne même pas employer les mots du système. Au lieu de dire impôt, on dirait l'argent que l'on donne à l'État. Mais si on dit l'argent que l'on donne à l'État, à quoi ça sert, on arrivera déjà à comprendre qu'on donne de l'argent à l'État. On enlève notre salaire, on travaille, on donne de l'argent à l'État. Donc si on reprend leurs mots, on reprend leur comment dirait, leur nomenclature et qu'on les rapporte à notre niveau de pensée et de compréhension, on arrivera déjà à parler les uns avec les autres et en même temps qu'on parle à réfléchir. Parce que si on dit l'argent que je donne à l'État pour ceci et cela qui m'empêche à moi d'avoir cet argent, de pouvoir consommer, d'acheter une meilleure baguette, est-ce que à quoi ça sert? Et patati, patata, c'est-à-dire en parlant pour de vrai ensemble. Voilà, moi je pense que c'est une des solutions, la solution principale. Parce que sinon je vois pas comment on va pouvoir aller se battre contre des tanks et tous les produits chimiques qu'ils inventent pour nous tuer. Merci. Alors on est toujours sur socialiser le monde bancaire, supprimer les taxes commerciales, les impôts. Du coup, tu voulais la parole, mais je sais pas si. Bon. Voilà, je vais te la passer, je pense, parce que. Il réfléchit, on dirait. Ok. Non, juste pour revenir sur ce qui vient d'être dit, en fait, là, on le dit souvent, hein, on n'est pas ici. On a créé cet atelier dans le but, justement, d'imaginer vraiment une société qu'on voudrait inventer de A à Z. C'est un essai, hein, on n'est pas là pour... peut-être qu'on ne fera rien, qu'on révolutionnera rien, et bah tant pis. Enfin, si personne n'est obligé de ni de venir, ni, mais tant mieux s'il y a des gens qui sont là. Et donc, le but, comme tu l'as dit d'ailleurs, si après on peut justement cette société imaginer comment est-ce qu'on veut y arriver, et bah on le fait en se passant d'une instance qui nous permette de le faire. Ça, c'est un point principal. Donc après, je voulais revenir du coup sur ce qui a été dit, par rapport au fait de ne plus parler, donc du coup ce serait dans l'idée de pot commun. Donc il y a deux possibilités qui ont été évoquées. La première, c'était qu'en fait à chaque fois qu'il y a pas des pots communs qu'il y a pas quelque chose qui soit prélevé de façon quotidienne, mais que par contre il y a des projets qui soient votés ou en tout cas démocratiquement débattus, et qu'à partir de ces projets-là, il y a un pot commun qui soit effectué en fonction des richesses de chacun. Ça, c'était la première chose qui a été proposée. Et la deuxième chose qui a été proposée, c'était qu'en fait, il y ait toujours un pot commun qui soit régulièrement demandé, et par contre, que ce soit pas une seule instance qu'il gère, mais que ce soit plusieurs caisses. Donc c'est deux choses qui sont différentes, mais enfin voilà, qui peuvent être mises en place. Donc je sais pas si après on passe au point d'après, mais... Je sais pas, ouais, si on. Ça me fait penser en tout cas aussi au contrôle, mais on avait déjà parlé en parlant de démocratie, mais. De la transparence avec les contrôles par les citoyens, etc. Quoi. Oui, je sais pas, je pense qu'on peut passer au point suivant, ou s'il y a encore des. Oui. En fin de compte, c'est un peu comme dans l'agroalimentaire avec les produits. On cherche la traçabilité de certains produits en se demandant tiens, la vache là qu'on va bouffer, est-ce qu'elle a été. Elle était bien nourrie, elle a mangé de l'herbe naturelle, tout ça. Mais en économie, l'argent, c'est une devise. Hein, l'argent, c'est... S'il n'y a pas de transparence, si les gens ne savent pas ce qu'on fait avec un quart de leur salaire, quelque part, c'est notre faute aussi. La transparence, il faut la demander, à mon avis. Je me mets pas du côté des droites. Non. Mais moi, je cherche vraiment une solution. Et je regarde l'exception. Je pense pas que si des gens qui, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, qui font les mêmes choses depuis des décennies ou des plusieurs générations, du jour au lendemain, ils vont changer. Non, je pense que de nouveaux éléments arrivés dans une vieille société peuvent faire la différence. Donc il faut toujours chercher l'exception. Celui qui n'a pas fait comme les autres et qui s'est démarqué, qui a réussi. Oui, mais il faut un exemple. Je ne veux pas dire qu'il faut un leader. Non. Mais il faut une exception. Il faut que... La réussite, c'est le contraire de l'échec. Je suis répondu, là, non? Non, ce qui se passe... Non, la réussite, c'est ce que tu as envie de faire, mon frère. C'est ce que tu as envie de faire dans la vie. Tu vois? Il y a des gens qui veulent devenir riches et d'autres qui ne veulent pas devenir riches. C'est ça aussi, la démocratie. Hein. Attention, hein. Oui, c'est déjà de faire ce qu'on veut faire. Moi, on m'a dit une fois, c'est impossible d'avoir un visa pour New York, et je l'ai eu. Alors le jour-là, j'ai dit, alors je me suis dit, tiens, j'ai eu confiance à une administration qui me ment, parce que j'ai réussi à avoir mon visa pour New York en 92. Non, mais ce que je veux dire, l'exception ferait que tout pourrait démarrer de là. Bah, en autre terme, si Coluche il était vivant encore aujourd'hui, on aurait peut-être une gauche beaucoup plus forte. Coluche, ouais. Maintenant, je sais pas, il aurait 75 ans, je sais pas quel âge il aurait, mais la France, elle aura un autre visage, parce qu'il a fait quand même 5 ou 10% des... Et c'est énorme dans un pays de 65 millions d'habitants, voilà. Moi, je cherche toujours l'exception pour faire la donne. Oui. Excuse-moi, je réponds juste au monsieur. En fait, lorsque tu cherches l'exception, tu parles de Coluche. Excuse-moi, Dalien Balavoine, Francis Cabrel, Lalanne. Il y en a plein qui vivent dans ce système. Ils ont été tous soit assassinés par le système, soit mis de côté. Francis Cabrel, c'est le mec qui vend le plus de disques. Mais comme ses paroles, elles dérangent, tu vois, on le traite de bouffon qui parle de cailloux et de bijoux. Voilà. Et pourtant, c'est le mec qui vend le plus de disques. Mais c'est dangereux pour le système. Parce qu'il fait réfléchir les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, voilà. Et donc, on le met de côté. Et donc, au lieu de regarder l'exception, il faut comprendre et regarder les idées des gens. Faut dire, parce que l'exception, ça n'a jamais rien apporté. On peut dire l'exception, oui, je sais, Jésus est arrivé un jour, machin. Mais c'est pas une question. Nous sommes tous individus. Ça, c'est notre foi. C'est-à-dire que l'énergie, c'est comme la religion. La religion, on peut en parler de la démocratie, c'est pas vraiment ça, mais bon. La religion, c'est hors sujet. Ouais, d'accord. Ok, bon, on arrête là. Non, mais c'est important de le mot la réussite, parce que lorsque tu parles de réussite, c'est très dangereux. Peut-être que toi, dans ta pensée, c'est louable, parce que tu le comme tu l'as décrit, c'est personnel, c'est suffisant. Mais le mot réussite, c'est très dangereux, parce qu'on envoie nos enfants à l'école pour réussir. Réussir quoi, on ne sait pas. Tu vois, je veux dire, à marcher sur les autres, ou à ceci, ou à cela. Et donc, c'est très dangereux ce mot-là. Et ça amène une pensée justement de combat, parce que tu réussis toujours pour réussir, faut que tu en élimines d'autres, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ok, bon, je te repasse le micro, c'est un autre sujet, mais on retourne au sujet. Je voulais juste dire au monsieur que le mot réussite, c'est un mot compliqué et dangereux. Écoutez les frères, écoutez-moi bien. Je sais que vous avez de la mal, vous avez en souffrance à cause de ces bouffons-là qui ont besoin d'argent tous les jours, à tel point qu'ils vous donnent pas à vous. Ok ? Mendier tous les jours pour de l'argent, parce que ça vous fait mal d'avoir faim tous les jours et ils s'en foutent de votre faim. Ok ? Et là, ça, je le sais, je le connais, et ça, je l'ai vécu et je le vis tous les jours. D'accord ? Plus que vous. Alors arrêtez de faire les mecs qui sont un peu, je sais pas quoi là. Je sais pas qui est là, c'est vrai, je sais pas qui est là. Moi je sais que tout le monde ici a faim, je vois leur tête. Moi je sais qu'ils ont faim. Hein ? Je sais qu'ils ont la dalle, qu'ils ont envie de voler. Hein ? Et c'est interdit par la police. Écoutez-moi bien, la police on l'emmerde. Nous tout ce qu'on veut nous, c'est une maison. Pour quitter ces espèces de toiles à la con, pour quitter ces espèces de voiles à la con, pour quitter ces espèces d'étoiles à la con, et pour quitter ce soleil à la con. Ah ouais, mon vieux, tout ce qu'on veut, nous, c'est un toit, une maison. Ah ouais, on veut des briques, on veut des murs. Ah ouais, on veut être enfermé à quatre murs pour se sentir bien, à l'aise et posé. Bah ouais, on a le droit, comme tout le monde, de se sentir à l'aise. Mais l'État fait rien, l'État s'en fout, ils s'en battent les couilles, ils en ont rien à branler, ils s'en battent les branles, ils s'en foutent complètement. Mais écoutez-moi bien, j'ai un marre de parler le verlan, écoutez. Moi, tout ce que je sais, c'est que dans ce monde-là, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont pas bien. Ceux qui sont bien donnent de l'argent, ceux qui sont pas bien donnent pas de l'argent. Parce que pour eux, la vie, elle est courte, et pour certains, la vie, elle est longue. Vous voyez ? Donc c'est une différence, une inversion totale, parce que c'est des abrutis sans cervelle. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est garder la foi, prier Dieu plutôt que rester comme des cons avec vos valises, vos sacs à dos pour monter je sais pas où, descendre je sais pas où. Gardez la foi, et gardez la foi, et gardez la foi, et gardez la foi. Priez votre Seigneur, en ce à qui vous croyez, pour garder la foi éternellement. Parce que personnellement, tout ce que vous croyez en ce moment est ridicule. Vous croyez que la nourriture se donne par ceux qui vous donnent quand vous tendez la main. C'est ridicule. Non, il faut garder la foi en le Seigneur, en le Christ, en le Père éternel. Il n'y a que lui qui vous donnera ce que vous voulez tous les jours parce que son temps est le meilleur. D'accord, mon frère. Ah, je dis merci. Merci pour ce témoignage. Merci. Du coup, hein? Ouais, attends, il y avait Adèle qui avait du coup. Oui, je voulais poser une autre question en fait, mais c'est celle de la régulation, parce que par rapport justement à la gestion des richesses et des biens communs, je me disais si ça fonctionne en réseau, donc en fait qu'il n'y aurait plus de monopole des produits, ni des produits d'ailleurs échangés, ni même des savoirs et tout ça. Du coup, est-ce qu'il y aurait besoin d'une instance qui les régule? Alors que si chaque citoyen en fait produisait les choses et les échangeait contre une autre, qu'il n'y avait pas quelqu'un qui faisait du profit à partir de ça, est-ce qu'il y aurait besoin d'une instance de régulation? Comme ça, j'aurais envie de répondre non. Parce qu'en fait, ça se régulerait entre les personnes qui trouveraient elles-mêmes des produits de meilleure qualité en fonction de à qui elles s'adressent. Et en fait, ça enlèverait déjà aussi beaucoup de choses à quoi servent les impôts notamment. Mais voilà, je pose cette question-là. Est-ce que du coup, dans la société idéale, il y aurait besoin de créer quelque chose pour savoir ce qu'il y a dans les aliments, etc. Ou est-ce que ce serait inutile à partir du moment où on serait pas sur une consommation de masse? Est-ce qu'il y aurait besoin d'une instance de régulation? Attention Ulysse, tu marches sur le micro. Ulysse? Voilà. Donc je régule le fil du micro aussi. Voilà, je pose la question. Moi, j'aurais envie de répondre non, mais peut-être qu'il y a d'autres avis là-dessus. D'autres réactions ou des... Oui. Bonsoir, Francis Nuit debout Bruxelles. Je viens vous supporter. Salut. En fait, ce que tu décris, c'est la loi du marché pure. Et c'est exactement ce qu'ils font. Donc, ne régule pas, ok, mais tu auras une multinationale qui viendra, qui prendra tout, qui dira ça c'est le bon. Et quand on verra que ce sera mauvais, ce sera trop tard. Donc, en gros, tu viens de nous redécrire l'économie de marché telle qu'ils l'attendent, hein. Strictement. Pas de régulation, pas de contrôle. Allez-y, les gars, prenez ce que vous avez à prendre. Je suis pas sûr, quoi. Enfin, ça, c'est déjà fait. Je précise juste parce que, comme tu viens d'arriver, là, en fait, on est sur un atelier où on est en train d'essayer d'imaginer la société idéale. Donc, forcément, dans cette société idéale, il n'y aura pas de multinationales. Parce qu'il n'y aura pas de monopole des richesses. Et donc, quand je disais qu'il n'y a pas de régulation entre les citoyens, c'est dans le sens où ils n'iront pas à un carrefour acheter leurs produits. Parce que déjà, ce sera sur un système. Il y avait quelqu'un qui avait présenté un petit peu le système de la ZAD tout à l'heure, qui était soit sous forme de prix libre, soit sous forme d'échange, de troc. Donc là-dedans, les multinationales, elles n'existent pas. Et c'est pour ça que je disais, comme elles n'existent pas, parce qu'en fait, la régulation, il y en a besoin parce qu'il y a des multinationales aussi. Enfin, c'est l'un avec l'autre. Et s'il y avait. Non, mais si les multinationales. Oui. Oui. Oui, oui, mais enfin, en effet, il y a besoin de régulation parce qu'il y a des multinationales aussi maintenant. S'il n'y en avait pas, mais justement, voilà, dans l'idée, et du coup, je te repose la question en ce sens-là, s'il n'y avait pas de multinationales, s'il n'y avait pas de personnes qui faisaient de monopole des richesses ou des biens produits, est-ce qu'il y aurait besoin de régulation? Oui, la question de la régulation, c'est une question qui pose la question de la stabilité du système. Je parle du système qui gouverne à ce moment. Il est d'une certaine façon, il est autorégulé, puisqu'il est toujours vivant. S'il n'était pas autorégulé, il serait mort. Et les systèmes qui ont essayé de s'évader du capitalisme, dont le système soviétique, s'est autodétruit parce qu'il n'était pas autorégulé. Et donc l'analyse du système capitaliste aujourd'hui est faite aussi à partir d'Edgar Morin et quelques autres. Donc je vous signale qu'il y a une conférence internationale organisée par l'UNESCO dont l'organisateur principal est Edgar Morin. ça se passe au début décembre au palais de l'UNESCO, tout le monde peut s'inscrire. Donc moi je suggère que Nuit Debout intervienne comme individu, puisqu'il y a Nuit Debout collectif n'existe pas, à la conférence. Je vous signale aussi que le président d'honneur de cette conférence est monsieur François Hollande. Donc monsieur François Hollande, lui, il se penche sur les questions de complexité avec toute une batterie de polytechniciens. Et donc je pense aussi que ça nous intéresse parce que Nuit Debout, c'est aussi un système autorégulé. Merci. Pardon. C'est à l'UNESCO début décembre, oui. Tu voulais répondre ou pas du tout? Non. Tu réfléchis. Du coup, est-ce que... Enfin, j'avais une idée, mais je l'ai oubliée. Non, oui, ça me faisait penser l'histoire des multinationales et tout ça, le commerce. Enfin, ça me faisait penser aussi à la question écologique et que peut-être que dans une société idéale aussi, dans un souci écologique, de toute façon, il y aurait peut-être beaucoup moins de d'exportation comme ça, de produits et d'importation aussi. Et beaucoup moins de trajets, des marchandises tout simplement. Et que peut-être, je sais pas, là je suppose, mais que peut-être que par le fait que ça soit réduit comme marché, ça déjà empêche quand même, ça empêche déjà de se faire des monopoles, etc. Même si moi personnellement, effectivement, j'ai pas forcément confiance, j'aurais peut-être plus confiance en un contrôle des citoyens, mais après, c'est, je sais pas. non, mais après, voilà. Y a d'autres réactions sur cette question? Oui. Oui, je voudrais dire qu'un des facteurs qui fait que le système arrive à se stabiliser, c'est que la microéconomie, c'est-à-dire la microéconomie, je parle pas des ZAD ou de l'économie qui essaie d'émerger un peu partout, mais la microéconomie classique, c'est-à-dire j'achète et je vends ma baguette de pain, ou j'achète la baguette de pain au boulanger qui me la vend, c'est le modèle de cette économie est le même que celui des multinationales, même si ça a l'air idiot. Et c'est parce que le microsystème est identique au macro que le système est stable. D'autres réactions sur la question donc on était... Ouais. Non, madame est en train de parler de coopérative et je me dis effectivement s'il y avait une gestion plus coopérative de l'argent, enfin le principe du pot commun où tout le monde est concerné par la gestion et la distribution, effectivement sur le principe des coopératives où tout le monde a son... Les agriculteurs et coopératives, mais maintenant on les bloque. Dans les années 60, moi, je voyais ma mère qui achetait les petites coopératives, la nourriture, chez les agriculteurs. Chez les agriculteurs. Et donc, elle dépensait moins d'argent, c'était au détail. Il n'y avait pas de problème financier comme c'est maintenant. Hein. C'est pour ça que je donne l'idée, parce que les petites coopératives, c'est pratique. Ils prenaient ce qu'ils avaient besoin. Voilà, ils prenaient ce qu'ils avaient besoin. C'est-à-dire qu'ils achetaient un paquet de beurre, le paquet de beurre, il fallait qu'ils fassent la semaine, mettons quoi. Bon, par exemple, un paquet de lustre cru dans la petite coopérative, elle achetait ça, c'était des coquillettes, moi je ne me rappelle plus. Il fallait que le paquet fasse 2-3 jours et après elle rachetait. Vous voyez, elle faisait attention non seulement à son argent, elle le marquait sur un papier puisque c'était comme ça, et après elle. C'est la consommation pure. La consommation pure, voilà. Parce que là il y a un gaspillage monstre. Voilà. Je vais un peu parler. Relative à ce que vous venez de dire, l'économie et la consommation, c'est pas l'inverse, mais l'économie, justement, c'est ce que vous auriez dû dépenser et que vous avez gardé. Et les milliardaires, là, ils peuvent pas bouffer 150 repas par jour. Ils peuvent pas manger 150 repas par jour. Alors, ils mettent ces 150 repas-là à la banque, au cas où ils manqueraient. Mais bien sûr, c'est pas des repas, c'est de l'argent. Mais quand on parle des banques, on met notre argent dans les banques et ils utilisent notre argent pour ceux qui en ont besoin. Et il suffit que vous fassiez un prêt assez important, ils vont vous demander un délai. de 2 semaines, 3 semaines, parce que moi je voyage beaucoup, des fois je demande une grosse somme d'argent, on me dit bah attendez encore une semaine. Hein. Ce qui se passe, c'est que saving money, les économies, garder ce qu'on n'a pas besoin forcément, il y a des gens qui en meurent. Bon, il y a des gens qui meurent. Il y a trop bu. Mais ce qui se passe, c'est que il y a des gens, ils ont mis tellement d'argent à la banque que même quand ils meurent, eh ben cet argent-là, il va au trésor public. Des fois, il n'y a pas d'héritier ou des, justement, il y a des gens qui volent cet argent. Je pense que l'État le prend, le trésor public. Ça m'est arrivé d'être à l'étranger et de vouloir rester un peu plus longtemps dans le pays. J'ai été à mon ambassade de France, j'ai demandé, tiens, je voudrais rester un mois de plus, que ce serait possible. Ouais, vous contactez votre entreprise en France, et puis voilà, et l'argent venait du trésor public. Je restais un mois de plus à New York. Ce qui se passe, c'est que je pense que les banques font de la suréconomie. C'est-à-dire qu'ils utilisent des sommes entières d'argent juste par pouvoir, pour montrer qu'ils ont du pouvoir, c'est tout. Alors que le peuple crève de faim. Donc il y a une volonté de faire cette différence entre les riches et les pauvres. Et si on est là aujourd'hui, justement, c'est pour connecter, pour mettre en connexion les riches et les pauvres, en leur faisant comprendre par la culture, l'éducation, que quelqu'un qui est riche ou quelqu'un qui est pauvre, il ne va pas manger 50 repas par jour. C'est-à-dire que saving, l'économie, quand on en a besoin par nécessité, c'est pas comme si on sait qu'on va l'utiliser par nécessité. Il y a des gens qui font des économies, mais ils savent même pas ce qu'ils vont faire avec ces économies. Il y en a, ils vont faire des économies parce qu'ils vont faire, ils vont être utiles. Ils vont utiliser cet argent de façon très utile pour aider d'autres personnes, par exemple pour le logement ou quoi. Donc il faut sensibiliser les riches et pas les pauvres. Nous, on est sensibles de toute façon. C'est les riches qu'il faut sensibiliser en leur faisant comprendre que leur argent peut servir à autre chose que montrer qu'on a du pouvoir. Voilà. Merci. Merci. Je ne sais plus du tout si j'avais un tour de parole, mais je ne crois pas. Non, du tout. Du coup, on reste sur le point on va peut-être changer de point, je ne sais pas. Je ne veux pas non plus presser les choses. Ah oui, bah vas-y. Pour réagir à la régulation en même temps non régulée, en fait, je ne connais pas ton prénom. C'était quoi ton prénom? Sébastien. A dit, bah oui, mais il faut quand même que le peuple vérifie. Et si on suit Chouard, qui vient de chez vous, qui fait des échos chez nous, en fait, la régulation, on s'en fout. Si le peuple a le pouvoir, c'est bon. S'il a le droit de faire ses lois, s'il a le droit de vérifier ce qui se passe, c'est bon. Et donc, encore une fois, en parlant régulation ou pas, est-ce qu'on ne se transforme pas un peu? Est-ce que cette régulation ne peut pas être citoyenne, bienveillante, populaire? Et alors, la régulation, oui ou pas, je ne sais pas, on verra, en fonction du besoin. Oui, d'ailleurs, je voulais rebondir tout à l'heure parce qu'on a déjà eu le thème « Les enfants dans la société » qui a été abordé. Et en effet, là-dedans, on avait développé l'idée que, d'apprendre un petit peu, enfin d'apprendre, plutôt de ne pas apprendre aux enfants qu'ils ont besoin de plus que les autres ou tout ça qui crée des différences. Et donc si déjà par l'éducation on rentre pas là-dedans, dans cette compétitivité aussi, en effet, ils s'auto-réguleront. On était beaucoup sur l'auto-limitation aussi. Et donc, bien entendu, que voilà, du coup derrière, il n'y aura pas besoin d'instances de régulation parce que ça se fera en fait par les citoyens entre eux. J'ai entendu Nietzsche. Tu veux parler, non? Oui. Du coup, je vais revenir un peu à ce qui se disait. Je sais pas si vous avez eu le débat public-privé ou pas. Non, pas spécialement. J'ai entendu tout à l'heure le mot de partenariat public-privé. Pour moi, c'est un truc dans la société idéale qu'il faudra absolument plus faire. Et pour moi, le privé et le public, en fait, n'auront plus lieu d'être. Et pour moi, tout sera public. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci. D'autres réactions sur on est toujours sur socialiser ou étatiser le monde bancaire, rendre aux citoyens le pouvoir de création monétaire, supprimer les taxes commerciales et les impôts grâce à la Banque nationale. Ou sinon, on peut passer au point suivant aussi. Hein. Je sais pas quelle heure il est, mais bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est pas important. On passe au suivant ou... Non, une fois, deux fois, trois fois. Non, ou pas. C'était tout. Je sais pas. Oui, voilà, on a commencé en retard. Donc le point suivant, c'était interdire les paradis fiscaux, empêcher la financiarisation des biens communs, rendre les services publics non privatisables par nature, fiscalité écologique. Je crois qu'on a empêché la financiarisation des biens communs. Je crois qu'on a déjà commencé à l'évoquer au tout début, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des propositions sur ce point ou, oui. Ben, je commencerai tout simplement par tout ce qui a été vendu à des États, à des fonds de pension, etc. Ben, le rendre en fait à la communauté, tout simplement. Quand on voit le Qatar avec les Champs-Élysées, les ports grecs avec les Chinois, il y a même des îles grecques qui ont été vendues à des Émirats, enfin des, je sais pas quoi, là, enfin bref, des mecs du Qatar, enfin je sais pas exactement. Donc, en fait, forcément, tout ça, en fait, il faudrait que ça revienne, encore une fois, dans le public ou dans la communauté ou peu importe comment on le nomme, mais et que ça, en fait, qu'il y aurait un espèce de grand patrimoine de l'UNESCO, au lieu que ça soit des trucs choisis parce que entre guillemets, il y a une histoire, c'est joli, en fait, que tous les biens soient un peu du patrimoine de l'UNESCO, et d'ailleurs qu'il n'y ait plus de patrimoine de l'UNESCO et qu'on fasse un petit peu plus attention à ce qui nous entoure, tout simplement, et protéger forcément ces lieux-là, au lieu de les détruire, comme on voit par exemple en Syrie ce qui s'est passé, on en parlait là il n'y a pas très très longtemps. voilà, si ça peut ouvrir des portes, et je pense que ça sera important dans la société idéale. Ouais, merci. Moi j'ai, en fait, je viens de relire fiscalité écologique. Et je sais pas trop, je me rappelle plus quand ça avait été dit ni comment. Mais je sais pas, fiscalité écologique, ça me laisse entendre que en fait on paye si on fait de la merde, si on fait des trucs pas très propres, plutôt. Pardon. Et donc, enfin, moi je serais plutôt pour qu'on fasse rien de pas très propre, mais du coup c'est pour ça je sais pas trop où on peut aller avec ça. Mais bref, je suis désolé, je vais ailleurs que dans ta direction. Donc, quelqu'un a d'autres réactions sur... Oui. À propos des guerres, il faut de l'argent pour faire les guerres. Et les banques, ils sont là. Hein. C'est-à-dire, ce qui se passe en Syrie... je sais pas comment tu veux, comment on appelle ça, mais des villes qui sont détruites par des mortiers et tout ça, c'est un petit peu la guerre. C'est un petit peu la guerre. Et voilà, le mot conséquence que vous venez d'utiliser, à mon avis, il est grave, parce que quand on vend des armes, on met des cadavres sous le tapis quelque part. Voilà, parce qu'on peut pas faire de guerre sans argent. C'est impossible. C'est impossible de faire la guerre si on n'a pas d'argent. Et donc, les solutions, elles sont juste devant nous. Et tout simplement, il y a encore ce problème d'ego, de pouvoir. Que chaque État. Je pense que l'argent, c'est quelque chose qu'on utilise, qu'on échange entre nous. Quand c'est de l'argent, ça va, mais quand c'est des armes à feu, il y a la guerre. On regarde le côté fatal. On ne cherche pas vraiment la solution. Les ONG qu'il y a en Afrique, par exemple, des fois, ils ont les solutions beaucoup mieux que les États. Donc, des fois, elles ont des positions étatiques. Et pourtant, c'est souvent des organisations non gouvernementales. Mais, encore une fois, l'État, les banques, tout ce qu'on veut, à la main dessus. Il y a une... La banque des pauvres, là, ils ont réévalué le PIB de chaque pays. Et ils expliquent que l'argent qu'il y a dans un pays, c'est ce qu'on fait avec dans ce pays qui compte. Et c'est de là qu'on s'est rendu compte que la Chine était la première puissance du monde en économie. Voilà. Merci. Merci. Il y a d'autres réactions sur ce sujet. Ça m'a fait penser à un truc, mais je l'ai oublié. Ça va revenir. Oui. Oui. Du coup, la taxe sur l'écologie, pour moi non plus, n'a pas de sens dans une société idéale. Éventuellement, dans la société de notre jour, actuelle, ça peut être débattu, ça a été débattu. Ça fait toujours débat d'ailleurs, mais du coup dans la société idéale, on va dire les principes écologiques, je sais pas trop si ça veut dire quelque chose, que les principes écologiques, mais entre guillemets, ils seront déjà dans les mœurs, et déjà, voilà, tout ce qu'on a dit sur les voitures, etc., etc., donc pour moi, en fait, ça sera déjà de fait ou de soi, et que, en fait, on n'aura plus à se poser cette question-là, ou même de taxes sur quoi que ce soit. Alors après, je dévie peut-être sur ce qui a été déjà dit avant, j'en sais rien, mais la notion de taxe, pour moi, ne doit plus exister non plus à ce sujet. Je me rappelais plus, il y avait trois trucs, il y avait les biens, enfin il y avait privatisation des biens communs, il y avait la taxe éco et... Ah oui, les paradis fiscaux, oh mon dieu. Bah c'est pareil, pour moi, les paradis fiscaux, forcément, plus de paradis fiscal. Donc voilà, les arrêter, ça c'est clair. Ah oui, c'est ça. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai complètement oublié de dire parce que je suis parti, grand vilain que je suis, c'est qu'il faut aussi arrêter avec ces espèces de familles qu'on connaît, les Rothschild et compagnie, ce que certains appellent les Illuminati. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, Illuminati. Mais faut arrêter entre guillemets avec tous ces gens-là qui sont plus ou moins derrière. Alors il y en a plein qui sont pour la théorie du complot, etc. Je laisse parler. Moi j'en sais rien. Je suis comme saint Thomas. Je crois ce que je vois. Mais en tout cas voilà, arrêter avec toutes ces conneries de Rothschild et compagnie et qu'on revienne un petit peu en arrière. Et je pense que les paradis fiscaux quelque part, tous ces gens-là en profitent allègrement aussi. Et donc il faut arrêter avec tout ça. Ouais, juste je réponds au monsieur. C'est pas grave. Enfin, ça m'a fait penser qu'en fait il y avait une proposition. On avait déjà dans un autre atelier, on avait déjà, ou c'est une proposition pour un prochain sujet, je crois. J'ai plus exact, mais c'était interdire le marché de l'armement à l'international, de quelque chose comme ça. Enfin, j'ai plus la proposition. Oui, enfin tout simplement arrêter le marché de l'armement comme ça. Bon, voilà, tout simplement. Oui. Donc je vais répondre. Je vais donner mon avis sur deux questions. Monsieur qui dit qu'il est saint Thomas et qui ne croit que ce qu'il voit, je lui dirais mets des lunettes, enfin mince, il est d'âge déjà, ou alors ouvre les yeux. Quand tu achètes un produit, tu regardes le fabricant, quand tu vas voir à qui appartient ce fabricant, et tu vas voir à qui appartient le fabricant du fabricant, tu regarderas à qui appartient le fabricant du fabricant du fabricant, et tout en haut, tu verras que le propriétaire, c'est lui qui possède un peu la moitié. En fait, ils sont quelques-uns à posséder les... Merci. Voilà. Donc, c'est pas la théorie du complot. C'est empêcher de dire aux gens, nous sommes des imbéciles. C'est-à-dire, plus on pense que quelque chose est compliqué et que c'est complot et qu'il faut chercher pour comprendre, eh ben, moins on se dit, on se pose la question, mais comment ça se fait que j'arrive à me faire manipuler, moi, comme ça? Comment ça se fait que je rentre dans ce délire? Parce que, au lieu de prendre son effort et de prendre son énergie pour dire stop, bon, j'arrête, machin, on passe son temps à se demander mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, théorie du complot, c'est une théorie. Mais à un moment donné, un intelligent n'existe pas. Si un intelligent couillonne un milliard de personnes, c'est un milliard d'abrutis, c'est simple. Donc, le 1 milliard d'abrutis qui disent la théorie du complot, je ne connais pas, c'est de se demander mais quand est-ce que vous vous relevez? Quand est-ce que vous dites stop? Quand est-ce que vous dites non? Parce que là, on est en train de faire une session pour dire quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on doit. Mais arrêtez, enlever son doigt du trou de balle et se dire ensemble, bon, maintenant, c'est bon, on arrête. On n'est pas là à aller marcher contre des CRS, à se prendre, parce que je l'ai vu, les gens, ils se mettent les bras dans les bras, ils marchent dans les CRS, ils disent, oh, nous, on est pacifique, on ne veut pas. Et les CRS leur tapent dessus, puis ils disent, on ne peut pas se défendre, les CRS, c'est la loi. Wesh, la loi, c'est vous. Donc, tant que le peuple ne se dit pas, qu'est-ce que nous voulons? C'est vivre ensemble et être heureux. Et pour vivre ensemble et être heureux, il faut que nous le faisons nous-mêmes, par nous-mêmes, avec nous-mêmes, et qu'on ne se prend pas en main de dire on va travailler ensemble, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit notre religion à la con, quelle que soit, enfin, toutes nos conneries, et qu'on ne se dit pas on y va. On va être que des bah, voilà, la théorie du complot, c'est d'avoir fait de nous des intellectuels qui passons notre temps à réfléchir et à penser l'existentialisme de la théorisation de la chose. Et nous sommes devenus complètement névrosés à savoir si c'est faisable ou pas faisable. Ou en fait, on a l'impression que l'être humain, il passe son temps à réfléchir si Dieu existe ou n'existe pas, à réfléchir si la Terre est plate, à réfléchir s'il faut ou pas détruire tous les pays du Sud pour piller leurs richesses. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc on passe notre temps à réfléchir sans se dire, mais attends, on est ensemble ou on n'est pas ensemble? On marche ensemble ou on n'est pas ensemble? C'est-à-dire qu'on a perdu notre instinct naturel, on a perdu notre humanité, on a perdu ce qu'on est, ce qui nous fait de nous des humains. Nous sommes devenus des machines à réfléchir, des machines à penser. Et donc notre problème, à nous les êtres humains, peut-être que vous n'êtes pas d'accord ou pas d'accord, c'est qu'on n'arrive pas... Non, mais on parlait de la désolution. Mais si la solution, c'est pas d'arrêter de réfléchir et d'être ensemble et d'avancer ensemble et de dire stop, on n'avance plus... Ah ok, bah c'est quoi? Mais tout à l'heure, tu as dit t'as dit la proposition, t'as dit que c'était proposition de solution. La proposition de. Mais si la solution, c'est réveillons-nous, dites-nous stop. Mais si tu as des propositions, voilà, pas de souci. Oui. Alors, Malandro, pour la première partie de ce que tu as dit, on est d'accord sous le fond, on n'est pas d'accord sous la forme. Après, tu étais complètement hors sujet. Voilà. Et on est dans un atelier, effectivement. Le principe de l'atelier, je pense que tu le connais, ça fait depuis le mois d'août. Donc, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de réfléchir, on réfléchit. Si on a envie de parler, on a envie de parler. Voilà, si tu n'as pas envie, tu viens pas. C'est tout. Donc, pour revenir un petit peu sur... Parce qu'il y a la question qui a été... je vais encore poser des questions. Il y a une question qui a été... Enfin, il y a une réflexion qui a été avancée sur la voiture. Et en fait, du coup, ça m'interrogeait. Donc, dans notre société idéale, qu'est-ce qu'on voudrait comme moyen de transport, en fait? Parce que là où on a parlé d'écologie, donc on en parlera peut-être plus pendant un axe, mais là, du coup, on peut aborder, vu que ça fait partie des biens communs. Qu'est-ce qu'on voudrait comme moyen de transport? Est-ce qu'on veut conserver la voiture? Est-ce qu'on veut du coup dans les projets pour lesquels on pourrait faire des pots communs, essayer de favoriser des projets justement dans lesquels la voiture serait améliorée ou en tout cas moins polluante? Est-ce qu'on ne veut plus de voiture? Est-ce qu'on veut que tout le monde circule à vélo? Est-ce qu'on veut arrêter l'avion? Voilà, je sais pas en fait. Je pense qu'il y a plein de moyens de circulation qui peuvent être améliorés. Je ne sais pas s'il faut forcément qu'on en abandonne certains. Peut-être que si. Donc voilà, je pose la question et je ne sais pas s'il y en a qui ont des réponses. Bon, je ne vais pas rester ici à me faire insulter. Je vais m'excuser pour vous avoir dérangé. Et lorsque vous arriverez à la troisième étape ou la sixième étape de vos 10 étapes, ou peut-être à la neuvième étape, invitez-moi à intervenir à la neuvième étape. Comme ça, là on réfléchit si on crée des chaussettes, là après on va réfléchir si on crée des ovnis ou ces machins. On ne peut rien créer tant qu'on n'est pas d'accord ensemble et tant qu'on se dit pas qu'on... Enfin bref, je sais pas, c'est compliqué. Moi je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Je reviens à la neuvième étape. Ça marche, merci. Moi, je voudrais répondre à la voiture. Moi, je pense que la voiture, c'est indispensable, certes, mais quand ça fait pas de bruit, c'est génial. Quand c'est écolo, on s'habituera facilement à entendre un véhicule, à ne pas l'entendre, justement, peut-être en faisant un klaxon ou quoi. Moi, je suis musicien, hein, je connais pas mal de grandes villes. Et on est carrément, on s'en rend pas compte, mais le bruit qu'il y a dans une grande ville, c'est incroyable. C'est incroyable, que ce soit New York, que ce soit Paris, que ce soit Londres. Il y a énormément de bruit dans les grandes villes. J'arrive jamais à accorder ma guitare dans la rue. C'est impossible. Oui, donc si on arrive, parce que là je parle de ce qui est nocif, comme on dit, ce qui pollue. Parce que le bruit, c'est une pollution, une forme de pollution. Et quand on parle de la voiture, j'ai eu l'occasion d'être transporté dans une voiture électrique. Ah, c'est trop génial. Ah, y a rien à dire que si l'avenir de la voiture est électrique, on aura réglé certainement pas mal de choses dans la pollution. Parce que... Hein ? Des motos, des planches à roulettes, des avions. En tout cas, le bruit peut être quelque chose de très dangereux pour la santé. Voilà. Pour répondre à la question. Merci. Quand on parle de voitures électriques, il faut envisager la fabrication, notamment des batteries. Les batteries au lithium, par exemple. On a découvert que sous le lac Titicaca, il y avait du lithium. Alors, il y a des gens bien intentionnés qui vont dire on va creuser là-dessous. Les effets secondaires de la production de voitures électriques sont pas mesurés par le grand public parce qu'on ne sait pas comment c'est fabriqué. Et que d'autre part, pour ce qui est des voitures, moi il me semble qu'on pourrait avoir un parc de voitures de location qui réduirait de 80% le nombre de voitures, mais il faudrait que ce soit un minimum organisé. Mais il y a un handicap, c'est que la fabrication des voitures fait vivre des centaines de milliers de personnes. Donc la reconversion n'est pas tout à fait évidente. Juste, c'est ce que tu voulais dire peut-être, c'est que c'est nucléaire, non? D'accord. Mais du coup, juste pour les voitures, bon, on va pas rentrer dans l'écologie, mais effectivement, je pense qu'il y a aussi, du coup, faut réfléchir aussi à une manière de produire l'électricité, parce qu'en ce moment, l'électricité qu'on sert, c'est uniquement du nucléaire, enfin, majoritairement du nucléaire, et du coup, ouais. Et par rapport à ces énergies, justement, il y a quand même plein de recherches actuellement pour utiliser, enfin, des projets de méthanisation, en fait, pour produire du gaz à partir des déchets. Et du coup, en fait, il y a des, mais c'est encore en train d'être en cours de recherche de pouvoir injecter, de produire du gaz à partir des déchets et de pouvoir réinjecter ce gaz à la fois dans des véhicules roulant au, ça s'appelle le GNV, le gaz bio naturel ou un gaz vert naturel, je sais plus quoi. Et donc, ça pourrait être une manière aussi de faire rouler les voitures avec nos propres déchets et aussi de pouvoir produire, de réinjecter ce gaz-là dans le réseau de gaz actuel. Ça, GRDF, je sais, travaille beaucoup là-dessus. Et c'est des solutions que moi, je trouve, qui sont circulaires et qui sont assez... Enfin, si on y arrive, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Ben moi, sur Paris, bon... La voiture n'est pas tellement, elle n'est pas utile. Mais là, à ce moment-là, comme on est en province, des bus, parce que quand vous allez, moi je vais vous dire une chose, vous allez jusqu'à Autun, vous savez, quand vous voulez faire, comment ça, là où c'est montagneux, si vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas y aller. Alors donc, là, le gros défaut, et puis attention, quand c'est les vacances, les chauffeurs des cars qui conduisent les enfants dans l'année, et bien quand c'est les vacances juillet, août ou septembre, ça reprend en septembre. Il n'y a plus de moyens de transport. Alors, on te dit, il faut... Alors, tu as une voiture, comment on appelle ça, où tu la commandes, et des fois, le mec, il dit, non, je ne peux pas y aller, tout ça. Donc, tu restes en rade. Et par contre, dans le... Comment on appelle ça, du côté de... En Bretagne, tout ça, tu as des... Bon, tu as des bus qui passent, même en Normandie, alors que moi, quand je vais en Saône-et-Loire, j'arrive à Autun, et ben comment vous faites? Et ben, s'il n'y a rien, ben vous retournez chez vous. Et voilà. Parce que aujourd'hui, si on met des transports, il faut que ça soit rentable. Donc on a ras-le-bol de la rentabilité. Il faut toujours, toujours. Moi j'ai connu à un moment donné, on faisait autant anneau. Il y avait un bus. Maintenant, on a jugé que c'est plus rentable. On le met plus. Alors tu débrouilles. Alors moi, c'est souvent que j'ai dit à la personne qui était de. Comment on appelle ça au tourisme, il dit. Pour venir chez vous, si on n'a pas de voiture, c'est pas la peine de venir. Il vaut mieux rester dans d'autres parages. D'ailleurs, tout est fait pour que des personnes comme moi, on ne peut pas venir. C'est la voiture, tout pour la voiture dans ces coins-là. Voilà. Donc, améliorons d'avoir tous les transports en commun. Après, en mettant surtout en période d'été où les gens se déplacent, alors que nous, on ne peut pas se déplacer. Maintenant, là, c'est l'école, ça y est. Maintenant, il y a des transports pour les enfants. D'ailleurs, et voilà. Ouais. Oui, mais d'ailleurs, ça me fait penser juste à l'utilité. Enfin, à un moment, tu as dit à la rentabilité, en fait. Qu'on devrait peut-être plutôt mettre l'utilité, enfin, ou quelque chose comme ça, avant la rentabilité. Oui, de toute façon, on a fait des routes. Donc, on va les utiliser. Ce que je veux dire, c'est que je réponds à ce que vous dites. Il y a des endroits qui sont difficiles d'accès et tout ça. Mais même si on utilise des voitures à essence, le but, c'est quand même d'utiliser les routes. C'est-à-dire que je ne veux pas effacer toutes les voitures à essence maintenant qu'on a les voitures électriques. Il faut toujours garder l'ancien. Quand on fait des choses très très très très modernes, de dernier cri, il ne faut jamais effacer totalement le pattern, ce qui a créé toute cette modernité. Il faut toujours garder des bases. Donc même si un jour il n'y a que des... Parce que dans les années 70 en France, on disait on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais la preuve, elle est là. Maintenant, on disait que la voiture électrique, ça ne marcherait jamais. Je me rappelle, j'étais apprenti à l'époque. Et maintenant, je vois, on est au 21e siècle, tous les jours, je vois des dizaines et des dizaines de voitures électriques. Donc ce que je veux dire, c'est que il faut évoluer à une certaine vitesse. On va pas d'un seul coup du jour au lendemain avoir que des voitures électriques. Il y aura toujours des vieux tacos, si j'ose dire. Il y aura toujours des voitures à essence. mais dans l'utilité obligatoire. Par exemple, si des endroits il n'y a pas d'accès, bah, on utilisera une voiture à essence. Oui. S'il y a des routes, s'il y a des routes. Ouais, c'est une bonne question. Vous savez, quand on marche, on transporte aussi. On se transporte sur... Non, je réponds logiquement à votre question. Mais... Un moyen de locomotion, c'est essentiel quand on habite en dehors des grandes villes, ça c'est vrai. Même en banlieue, déjà, celui qui n'a pas de voiture, il va marcher des heures et des heures, c'est sûr. Donc, je partage ce que vous dites. Merci. Merci. Donc, désolé, j'ai pas trop suivi, j'étais perturbé. Du coup, oui, j'avais une question sur ce que tu disais, mais bon, après, c'est plus dans l'écologie, quoi. Mais sur les déchets, c'est des déchets naturels, en fait, ou d'accord. Donc, enfin, naturel, c'est lié à l'agriculture, par exemple, ou d'accord. Non, parce que comme on a pas mal parlé d'écologie le week-end et on a évoqué par exemple le zéro déchet ou des choses comme quoi la nature par exemple elle-même en produisant ne fait pas de déchets, en tout cas recycle ses déchets, voilà. Mais je sais pas, mais après je suis sceptique, mais du coup c'est pour ça, c'est un autre sujet, on en parlera tous les deux. Mais on va en parler tous les deux, non, c'est mieux, parce que c'est pas trop le sujet. Du coup, s'il y a d'autres réactions ou propositions sur... On était sur interdire les paradis fiscaux, empêcher la financiarisation des biens communs, rendre le service public non privatisable par nature, et fiscalité écologique. Donc, si ça vous parle, oui. Pour les voitures, il y a le réducteur de pot d'échappement qui a été inventé, je crois, c'est en 80 ou 78, je ne me rappelle plus. Et c'était pour diminuer la pollution, quoi, pour filtrer l'essence. Merci. Oui, oui, bah oui, bizarrement. je sais pas, sinon on va peut-être bientôt conclure, en fait, hein, si... Si vous n'avez pas d'autres réactions, non. Je ne sais pas si... Je me tourne vers mes camarades. Qu'est-ce que... Oui. Moi, j'ai une question sur les biens communs. Du coup, ça serait quoi les biens communs? Enfin... Parce que ça, vous l'avez déjà fait. Parce que du coup... Je peux répondre parce que je m'en rappelle. Et c'est le premier point que tu as lu. C'était... Oui, alors en fait, comme on était parti à dire qu'à peu près tout était bien commun, du coup, on est parti après dans l'idée de l'exclusion. Qu'est-ce qui n'est pas bien commun? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait être du côté de la propriété, en fait, individuelle? Et on est venu à l'idée qu'en fait, il n'y avait que le corps. Les corps. Les corps humains, par exemple, ne sont pas du bien commun. Enfin, on était à peu près d'accord là-dessus. Comment? Non, non, non, on était sur le logement n'est pas un bien commun, par exemple, ce qu'on peut trouver dans la terre, non, pardon, excuse-moi, le logement est un bien commun, ce qu'on peut trouver dans la terre est un bien commun, voilà, tout en fait fait partie des biens communs, sauf justement ce qui serait du côté du corps. Mais ça retourne avec ce qu'on avait dit plusieurs fois sur la propriété. Donc en fait, ouais, dans plusieurs ateliers, on était vraiment pour l'abolition de la propriété, parce qu'il y avait aussi là-dedans toute la question des connaissances, etc. Mais on avait, je crois, défini quelque chose, je sais plus si je m'en souviens très bien, mais par rapport au logement, qui était qu'en fait chacun pouvait avoir son logement, mais il ne lui appartenait que tant qu'il était en vie dedans, quoi. Enfin voilà, c'est-à-dire c'est pas une propriété dans le sens où c'est à moi. Et parce qu'on avait aussi traité dans les ateliers d'avant la question de l'hospitalité et de l'accueil, en fait, de celui qui vient de l'étranger. Et donc c'était là-dedans où c'était pas un bien commun aussi. Où c'était un bien commun. Ah, je vais pas y arriver. Où le logement est un bien commun. Et on avait du coup favorisé la création de squats. Voire du coup dans une idée encore plus lointaine, peut-être que tout fonctionne un petit peu sur une idée de squat. Mais si les personnes souhaitent avoir dans ce squat-là une chambre dans laquelle elles vivent pendant 50 ans, c'est possible aussi, mais ce ne sera pas leur propriété, dans le sens où elles en excluront les autres. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est assez énorme. Mais ça n'appartient pas, enfin, ça appartient aux personnes qui le construisent ensemble et qui... Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord sur les corps de l'être humain qui ne soit pas... qui ne soit pas commun. Je ne peux pas imaginer l'être humain en dehors de la société. Je ne peux pas imaginer la société en dehors de l'être humain. Hein? Et en ce sens-là, nous appartenons à la société, en partie évidemment, relativement. Mais on ne peut pas disposer de son corps à sa propre volonté, il faut qu'on se respecte, parce qu'on est quand même un élément dans la société. Et la société compte sur tous les éléments. Et les suicides, me semble, si je ne me trompe pas, qu'en Angleterre, il était même possible de faire un procès à celui qui se suicide, si c'est raté. Je ne sais pas s'il est mort, s'il peut faire un procès. Mais c'est cet effet de... Je fais un exemple plus concret. Dans l'éducation sexuelle à l'école, par exemple. Ça, c'est un fait concret, hein. On enseigne au collège que les mineurs doivent se défendre, surtout dans les cas de l'inceste, perché leur corps leur appartient. D'accord? Là, on peut ne pas accepter, c'est sûr qu'on doit défendre son corps et réagir. Mais dire que son corps nous appartient entièrement, hein, ça veut dire que j'en dispose comme je veux. Mais ça veut dire aussi que si j'ai la tête pas bien en place, je dispose, je me suicide par exemple, ou j'ai fait le kamikaze, etc., que mon corps m'appartient, complètement, ce n'est pas juste. On appartient aussi en partie à la société. On est solidaire aussi dans ce sens-là. Parce qu'autrement, un caprice, on se tue et voilà. Et ce n'est pas une chose normale, disons. Voilà. Hein? On peut pas, on a tous les droits dans la vie. On peut même considérer qu'on a le droit de tuer quand c'est une mauvaise chose. Mais on peut le faire, mais c'est mal fait. La liberté, il faut qu'elle soit régularisée, qu'elle soit limitée. Absolument, il n'existe pas une liberté absolue. Voilà, merci. Merci. Oui, ben, ce sera le dernier tour de parole et on va conclure après. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que, en tant qu'homme noir, je suis français, je suis né à Marseille, mais je suis un homme noir. Une fois, j'ai fait des études sur l'histoire de l'homme noir, en Europe, dans le monde entier. Son corps ne lui appartenait pas parce qu'il était esclave. Il était considéré comme de la fourniture. Comme un meuble. Ce qui se passe, c'est que, si vous croyez en Dieu, monsieur, hein, l'homme est fait pour être libre. Quand en Afrique, on dit quand on met les chaînes à quelqu'un, c'est parce qu'il connaît la liberté. Vous comprenez? Si quelqu'un, on lui met les chaînes, c'est parce qu'il connaît la liberté. Si on lui met pas les chaînes, il se barre. Je pense que l'être humain, qu'il soit un homme ou une femme, il est fait pour être libre. Bon, maintenant, l'éducation, son éducation va dépendre de son attitude, bien sûr. Mais il faut croire en ça aussi. C'est pour ça que chacun doit être maître de son propre corps, à mon avis. Ouais, avec l'éducation. Et je ne pense pas que quelqu'un d'autre doit décider sur le corps d'un tel. Et l'esclavage, c'est arrêté, vous savez pourquoi? Le coup, c'est pas quelqu'un qui est venu avec un papier et dire voilà, on arrête de faire l'esclavage. C'est faux. Ce qui s'est passé, c'est que le coût n'était plus évaluable. On n'arrivait plus à estimer l'esclave. Il pouvait valoir des milliers et des milliers de francs de l'époque, des écus et tout ça. Comme ils ne peuvent rien valoir. L'être humain n'est pas négociable. Il est libre parce qu'il est fait pour être libre. Voilà, c'est tout. C'est ma réponse. Ouais, alors, attends. Oui, je sais, je vois que tu veux répondre. Juste très court, je te laisse. Très court, s'il te plaît. Et après, vous pouvez carrément parler entre vous deux parce que je vois que vous avez envie de plein de choses à vous dire. Bon, je suis tout à fait d'accord que l'homme est libre. Mais tout être humain, et même les animaux et tout, la liberté est limitée. Entre nous, on ne peut pas faire n'importe quoi. On est libre, mais il faut respecter la liberté de l'autre. Et donc, cette limite, c'est que je considère que celui qui se suicide, un caprice, même si c'est la souffrance, que c'est terrible, etc., c'est quand même à la limite de l'autoriser. Parce qu'il peut très bien être solidaire avec les autres. Si la société n'est pas solidaire, hein, et qu'il souffre trop, je comprends physiquement la liberté de se tuer, là, je la comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on considère avant même de dire la liberté absolue. Et à ce sens-là, on ne peut plus vivre sans la liberté absolue. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous encourage vivement à continuer ce débat philosophique. Parce que Et merci en tout cas à vous et à ceux qui sont déjà partis. Mais merci à vous d'avoir participé à cet atelier. Du coup, on en fera certainement un troisième, je pense, parce qu'on n'a pas fini. C'est confirmé. Donc on fera une troisième séance où il restera deux points. Donc comme ça, on aura, ça sera large. Du coup, il sera la semaine prochaine à la même heure, 18h ici. Sinon, alors ce week-end, nous, on n'est pas. La commission de boue et éducation populaire sera pas là demain sur la place. On sera là dimanche, de 15h à 19h. Et sur le thème des journées du refus de la misère. Donc, on va parler que de ça toute la journée. Voilà. Encore merci d'avoir été là et d'avoir participé. Bonne soirée. Non, ouais. Bah. Merci, surtout dans ces conditions. Un peu dégradé. Voilà. C'était rock'n'roll aujourd'hui. Ah non.